السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده نستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، شيخ فرحان الله عز وجل، إن شاء الله aujourd'hui terminer le livre Usul Sunnah de l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, avec l'explication de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidahullah ta'ala. Aujourd'hui, ça va être un court marathon. J'ai plus de 30 pages écrites, inshallah, donc un peu de patience, mais j'ai fait exprès pour qu'on termine le cours aujourd'hui, parce qu'on avait la fin du livre à traduire, plus les questions-réponses que le Cheikh faisait à chaque dars. Et comme je l'ai déjà dit, Usul Sunnah, Cheikh Rabi', il l'a fait dans une daura en 4 cours audio. Ce qui fait pour nous maintenant, aujourd'hui c'est le 21e cours, Inch'Allah ce sera le dernier. Et donc on commence directement en disant ce que disait Cheikh Rabi' par rapport au chapitre, pour replacer les choses dans le contexte. At-taslim lin-nusus wa illam na'lam tafsiraha. C'est-à-dire le fait de se soumettre au texte, et ce même si on n'en connaît pas l'explication. Et on est arrivé au point où il parlait du fait que les Khawarij, ils ont compris certains textes de manière erronée, et qu'ils ont donc, quoi, jugé mécréant le croyant qui commet un grand péché. Et Cheikh Rabi', il est en train de réfuter cela, et il dit, وَالسَّارِقُ تُقْطَعُ يَدُهُ حَدَّا قَالَ تَعَالَى وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُ أَيْدِيَهُمَا سُورَةُ الْمَائِدَةِ لَوْ كَانَ كُفْرًا يُقْتَلُ وَلَا تُقْطَعْ يَدُهُ. Et donc, le voleur, sa main est coupée en raison de la parole, de la peine légale prescrite. On avait dit qu'il y a une différence. On avait parlé du had, et on avait dit que le hudud kafara, c'était un des chapitres d'ailleurs qu'on avait consacré, auquel on s'était attaché à étudier dans un des cours précédents. Et il cite le shir inversé ici, dont la traduction du sens est « Le voleur et la voleuse a tous deux coupé la main », surat al-Ma'ida verset 38. Et Cheikh, il dit, écoutez bien cela, il dit, et si c'était de la mécréance, il serait tué et sa main ne serait pas coupée. Parce qu'on avait dit, man baddala dinahu faqtulu, celui qui change de religion, tuez-le donc. Et donc ici, c'est bien clair que c'est une réfutation contre la fausse aqida des Khawarij. Puis Cheikh, il dit, wal akhdu bi shari'ati barakallahu fikum bi kamiliha والجمع بين النصوص، لكن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وأهل السنة يأخذون بالمحكمات يردون المتشابهات إلى المحكمات، فهذه النصوص المتشابهة يردونها ويجمع بينها، ولا يضرب بعضها ببعض أو لا يضرب بعضها ببعض كما يفعل الخوارج وكما يفعل غيرهم من أهل البدع من المرجئة والمعتزلة وغيرهم، يتعلق بشبهة نص ويذهب يخترع به بدعة فيكفر به المسلمين أو كذا وكذا. Donc Cheikh Rabi' dit, prendre la législation islamique dans son entièreté, qu'Allah vous bénisse, et regrouper les textes, tandis que ceux qui ont en cœur une inclination vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation. Et ici, il fait référence à quel verset de Sourate Ali Imran, la première page, où Allah Azza wa Jal dit, سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Donc, Cheikh, il continue en disant, tandis que les gens de la Sunna prennent les textes sans équivoque et renvoient les textes à équivoque aux textes sans équivoque. Alors maintenant, pour faire partie du bon enseignement, de consacrer une partie du cours à savoir ce que c'est le mutashabih. Et c'est quoi, le muhkam, ou plutôt l'ihkam, et anwa' l'ihkam. J'avais planifié de le faire, je voulais le faire, le cours aurait été trop long. Déjà, on va rentrer dans d'autres sujets. On va parler de Hur al-Ayn, inshallah, aujourd'hui, etc. Hein, fil Jannah, de la description des femmes du paradis, etc. Inshallah. Donc, je me suis dit que si je commençais à rentrer dans le Mutashabih, le Muhkam, etc., on allait faire un cours de nouveau peut-être en deux cours. Donc, je vous renvoie des sources. Inshallah, de toute façon, c'est quelque chose que je compte traduire un jour ou l'autre, un article là-dessus. Il y a une très très belle explication, une des meilleures que moi je trouve, d'un livre qui s'appelle Usul al-Tafsir. Au sol de tafsir, c'est les fondements dans la science du tafsir, de l'exégèse du Coran, qui est écrit par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Et il y a Cheikh Mohamed Bazemoul qui a fait une très bonne explication de ce livre-là qui a été publié. Il y a Ibn Qasim qui a une hachia sur Muqaddima fi usul tafsir, celle que je viens de citer ici. Et il y a Cheikh al-Utaymin aussi. Hein, et Cheikh al-Utaymin explique très bien c'est quoi le mutashabih et c'est quoi le muhkam, hein, qu'on comprenne pas mal les choses. Et c'est quoi l'ihkam chez l'ulama, et quand il parle de mutashabih, hein, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc je vous renvoie ces sources-là pour les frères et les sœurs qui veulent voir les choses plus en profondeur, c'est ce que je conseille toujours dans les cours. Et nous, Inch'Allah, on va pas rentrer dans le détail à ce sujet-là, et on va continuer. Inch'Allah. Donc le cheikh, il dit, les gens de la sunna prennent les textes sans équivoque, et renvoie les textes à équivoque aux textes sans équivoque. D'accord? Dans ces textes à équivoque, il les renvoie à ceux sans équivoque et regroupe donc les textes. Hein? C'est-à-dire qu'ici, comme on a dit, par exemple, le hadith, citez-moi un hadith, là, que le khawarij, ils ont pas mal compris, qu'on a cité dans le cours précédent, par exemple. La tarji'u ba'di, kuffaran, yadribu ba'dukum, riqaba, ba'd. Ne redevenez pas après moi mécréants, les uns tranchant la tête ou le cou des autres. Qu'est-ce qu'ils ont dit le Khawarij? Eh bien, c'est le preuve que tuer quelqu'un, c'est quoi? C'est une mécréance. Et donc, celui qui fait ça, c'est un kafir qui est sorti de l'islam. Or, ici, il faut le renvoyer à Muhkam. Qu'est-ce que le prophète Azim a voulu dire par le kufr ici, par kuffaran? Hein, et on avait déjà dit qu'il y avait beaucoup de textes comme ça. Il y avait aussi Sibab ou le muslim fousouq, wa qitaluhu. Le fait d'insulter un musulman est une perversité et le fait de le tuer est une mécréance. Or, le verset de Sourate al-Hujurat, il est clair que ce n'est pas une mécréance qui fait sortir de l'islam. Vous comprenez? Donc, il y a un jam entre nos sens. Il y a une manière de regrouper les textes. Et aussi le hadith d'Abi Darda, vous vous souvenez? Hein? Wa in sariqa wa in zana, hein? Vous vous souvenez le hadith? Que quoi? Hein? Abu Dar? Oui, Abi Dar, tu as raison. Abi Dar dans Sahih Muslim. Naam, ahsant. Le hadith d'Abi Dar, parce que d'ailleurs il a dit dans le hadith, Raghima anfu Abi Dar. Naam, tu as raison. C'est pas Abu Darda. C'est Abu Dar qu'il a dit que quoi que, c'est une preuve que les ulama utilisent comme quoi que les grands péchés sont pas quelque chose qui fait sortir de l'islam, mais avec une condition, comme on a dit chez les gens de la Sunna et du consensus, que la personne ne croit pas que ce grand péché-là soit licite. Parce que celui qui croit, par exemple, que la fornication est licite, eh bien, c'est quoi? C'est un kafir. On va revoir ça plus en détail aussi aujourd'hui, Inch'Allah. Mais on avait déjà traduit tout un maqal de Cheikh Ali al-Haddadi, hafidahullah ta'ala. Donc, il regroupe donc les textes et ne les frappe pas les uns contre les autres, comme le font les khawarij. Et comme font les autres parmi les gens de l'innovation religieuse, les murji'a. Et les Mu'tazila, et d'autres qui s'accrochent à l'équivoque d'un texte et l'utilisent pour fabriquer une innovation religieuse. Et puis l'utilisent pour juger les musulmans mécréants, ou ceci ou cela. بشيخ الديوان الراسخون في العلم فهذه طريقتهم الجمع بين النصوص والتأليف بينها والتوفيق بينها بحيث يمكن العمل بالجميع فنقول كفر دون كفر في مثل هذه النصوص ويكون علينا أن نطلق الكفر في مواضعه ولكن نعتقد أنه كفر دون كفر وإذا كان كفرا أكبر مثل التكذيب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو إنكار أمر مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة أو إنكار ركن من أركان الإسلام صلاة صوم زكاة كفر بالملائكة والجنة أو النار وما شابه ذلك هذه أو هذا كفر أكبر أو هذه كله من الكفر الأكبر المخرج من الملة أو استهزاء بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبكتابه أو إعراض واستكبار عن الحق هذه كلها مكفرات تخرج عن الإسلام تخرج عن الإسلام فهذه صاحبها كافر كفرا يخرج من الملة وما ارتكب المعاصي والذنوب التي ذكرت في هذه الأحاديث فهذه كفر دون كفر دونك شيخ ربيع حفظه الله تعالى il continue en disant tandis que les enracinés dans la science telle est leur voie méthodologique qui est de regrouper les textes et de les concilier car il est possible d'utiliser tous les textes nous disons que c'est une mécréance qui est une mécréance mineure et pas une mécréance majeure dans ce genre de texte et nous pouvons dire que c'est de la mécréance quand il le faut mais nous croyons que c'est une mécréance mineure Hein, c'est-à-dire qu'il ne fait pas sortir de l'islam. Et si c'est une mécréance majeure, comme démentir Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ou insulter Allah, ou insulter son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ou renier un point sur lequel il y a unanimité et qui est connu par nécessité, comme faisant partie de la religion. Ou renier l'un des piliers de l'islam, la prière, le jeûne, la zakat, mais croire en les anges, ou au paradis, ou l'enfer, etc. Eh bien, cela est de la mécréance majeure qui fait sortir de l'islam. Ou aussi se moquer d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager alayhi salatu wa salam et de son livre ou abandonner la vérité, ce qu'on appelle kufr al-i'rad. Et ça, il faut voir plus en détail, inshallah, si on fait les nawaqid de l'islam, et très fortement, il est possible que ce soit le prochain livre qu'on fasse avec l'explication de Cheikh Mohamed Bezmoul, hafidahullah ta'ala. Il y a aussi un autre qu'on appelle istikbar, hein. D'accord? Et d'ailleurs, Cheikh Ibn Qayyim rahimah les a rapportés par rapport aux cinq grands types de kufr, hein. On va voir ça, inshallah, si on fait les nawaqid de l'islam. Et donc on a dit ici, ou l'i'rad, que l'on va traduire en entendant déjà par abandonner la vérité complètement et être arrogant, orgueilleux envers la vérité. Toutes ces choses sont des mukafirat qui font sortir la personne de l'islam. Et celui qui commet cela est mécréant. D'une mécréance qui le fait sortir de la religion. Tandis que commettre les désobéissances, le ma'asi et péchés qui ont été cités dans ces hadiths, c'est du type de la mécréance mineure qui ne fait pas sortir la personne qui les commet de l'islam. Et puis Cheikh il dit, ومهم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما كفر دون كفر إلا إذا كان يقصد أن هذا المسلم الذي يسبه يقول له أنت كافر لأن دينك كفر فهذا كافر فهذا كفر حقيقي وأما إذا كان مجرد غضب وقال له يا كافر لأنه خالف أو لسبب من الأسباب فهذا لا يقال إنه كفر أكبر بل كفر دون كفر وأنت يمكن أن تعاقب أخاك بأي أسلوب دون أن تطلق عليه كلمة الكفر Donc Cheikh il dit celui qui dit à son frère et par rapport au hadith qui a été cité ô mécréant la parole retourne sur l'un des deux Alors Cheikh il dit ici c'est ici une mécréance mineure C'est-à-dire que maintenant, si tu dis à toi, ton frère kafir, c'est-à-dire que si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui se passe? C'est que la parole, elle revient sur toi. Mais ce que ça veut dire que toi, tu es un kafir. Hein? Il y a une discussion des ulama là-dessus. Il y a beaucoup d'avis là-dessus, etc. Mais Cheikh Rabi, qu'est-ce qu'il dit ici? C'est un des avis que j'ai lu dans Sahih Muslim, dans l'explication de Sahih Muslim. Cheikh Rabi, il dit, c'est ici une mécréance mineure, sauf s'il a pour intention. Regardez la précision. Sauf s'il a pour intention qu'il veut dire que le musulman qu'il est en train d'insulter en lui disant tu es un mécréant, bien car ta religion c'est une mécréance. Alors là, celui qui dit ça, lui c'est un mécréant. Vous avez compris ce détail là? Non. C'est quelqu'un qui dit à son frère tu es un mécréant. Mais qu'il est pour intention en disant cela que quoi? Que la religion de la personne qu'il est en train d'insulter, c'est une mécréance. Alors, or que c'est quoi c'est? C'est un musulman, c'est l'islam. Eh bien, lui, c'est un mécréant. Je répète cette phrase-là. C'est une mécréance mineure, il a dit le shir ici. D'accord? Sauf, Donc une exception, sauf s'il a pour intention qu'il veut dire que le musulman qu'il est en train d'insulter en lui disant « tu es un mécréant hein? » Car ta religion, elle dit « tu es un mécréant » car ta religion c'est une mécréance. Alors lui est un mécréant. D'accord? Et cela est la vraie mécréance, le cheikh il dit ici. Pourquoi? Parce que le musulman que tu es en train d'insulter, c'est quoi sa religion? C'est l'islam. Cheikh il dit, tandis que s'il dit cela par colère et lui dit, oh mécréant, car il s'oppose à lui, ou pour une raison parmi les raisons, celui-là, on ne dit pas à son sujet que c'est une grande mécréance. Mais de plus, on dit que c'est une petite mécréance et tu peux punir ton frère, le cheikh il dit, tu peux punir ton frère d'une manière quelconque sans avoir à lui dire qu'il est mécréant. Puis le cheikh il continue en disant, قال ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإن نسلم له وإن لم نعلم يعني تفسيرها سلسلة سيديو لابغ الإمام أحمد رحمه الله في الشيخ ربيع الدي هذا تواضع من أحمد وقد يريد بها العوام لا يعلمون تفسيرها فيسلمون وأما الفقهاء والراسخون من أمثال أحمد رحمه الله تعالى فهو تفسير على طريقة أهل السنة وحارب الإمام أحمد رحمه الله الخوارج الذين يتعلقون بهذه النصوص وحارب المرجئة الذين يتعلقون بنصوص الوعد وحارب كل الفرق مما يدل على أنه إمام في السنة ويعرف أيضا أو يعرف أيضا تفسير هذه الأحاديث رحمه الله تعالى. Donc Cheikh il dit et l'imam Ahmed qu'Allah lui fasse miséricorde dit et des hadiths similaires qui sont authentiques et qui ont été mémorisés nous nous y soumettons et ce même si nous n'en connaissons pas l'explication. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici par « même si nous n'en connaissons pas l'explication » Qu'est-ce qu'il a voulu dire l'imam Ahmed par cela? Mais Cheikh Rabi, il dit « ceci est une modestie de l'imam Ahmed ». Ça, c'est une manière de le comprendre. C'est une modestie de l'imam Ahmed parce qu'on sait très bien que l'imam Ahmed, il connaît le sens de ces hadiths. Et il se peut qu'il veuille dire par cela le commun des musulmans. Parce qu'eux, il se peut que quoi qu'ils ne connaissent pas l'explication de ces hadiths. Mais ils se doivent quand même de s'y soumettre. Ben, par le commun des musulmans qui n'en connaît pas le sens, mais doivent s'y soumettre. Tandis que les fuqaha et les enracinés dans la science, à l'instar de l'imam Ahmed, eh bien, c'est une explication selon la méthodologie des gens de la sunna. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, il a combattu le khawarij, hein, qui s'accroche à ce genre de texte. Et il a combattu les murji'a, qui s'accroche au texte de promesse, qu'on appelle nosus al-wa'd. On a ce qu'on a, c'est des notions à retenir. Nosus al-wa'd ou nosus Al-Wa'id, c'est-à-dire les Khawarij, ils font ce qu'on appelle partie de ce qu'on appelle Al-Wa'idiyya, c'est-à-dire les gens qui prennent que les textes de menace, contrairement aux Murji'a qui eux ne prennent que les textes de Al-Wa'id, que les promesses. Tandis qu'Ahl Sunnah, ils regroupent les textes encore une fois. Hein? Vous voyez cette notion très importante de regrouper les textes. Al-Jam'a bayna an-nusus. Hein? Et Cheikh il dit. Il a combattu les murji'a qui s'accrochent au texte de promesse et il a combattu tous les groupes. Ce qui indique que l'imam Ahmed, rahimahullah, était un imam dans la sunna. C'est pour ça qu'on appelle l'imam ou ahli sunna, l'imam des gens de la sunna. Et qu'il connaissait également l'explication de ces hadiths, qu'Allah lui fasse miséricorde. Nouveau chapitre, et c'est l'avant-dernier, avant la fin du livre, inshallah. « وَالْإِيمَانُ بِأَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارِ » مخلوقتان وحكم من ينكر ذلك. Le fait que le paradis et l'enfer, pardon, la foi en le fait que le paradis et l'enfer soient tous deux créés et le jugement de celui qui renie cela. قال والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. L'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit « et ». Encore une fois, « et » par rapport à quoi? C'est une conjonction de coordination par rapport à tout ce qu'il y avait avant. « Et » fait partie des fondements des gens de la sunna et du consensus. Hein? Et puis il rapporte tous les fondements jusqu'à ce qu'on arrive maintenant à la fin du livre « Lillah alhamd ». Et le paradis et l'enfer sont deux, tous deux créés. et ont tous deux déjà été créés. Comme cela a été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit, je suis entré au paradis et j'ai vu un palais. On va voir ce hadith plus en détail après, inshallah. Et j'ai vu Al-Kawthar. Et j'ai regardé dans le paradis et j'ai vu que la majorité de ces gens étaient ceci. Et j'ai regardé dans l'enfer et j'ai vu ceci et cela. D'accord? Déjà, vous devez peut-être savoir, quand, la majorité des gens du paradis, c'est qui? Les pauvres. Et la majorité des gens de l'enfer? Les femmes. Hein, on va le dire ça dans un instant, inshallah. D'accord? Mais c'est à ça qu'il fait référence ici. Et j'ai regardé dans l'enfer et j'ai vu ceci et cela. L'imam Ahmed continue en disant, celui donc qui prétend que le paradis et l'enfer, tous deux n'ont pas été créés, a certes démenti le Coran. Et les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et je ne le considère pas comme croyant au paradis ni à l'enfer. C'est la parole de l'imam Ahmed, rahimahullah. Explication maintenant de ce chapitre par Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, qu'Allah le préserve, hafidhahullah ta'ala. Et le paradis et l'enfer, والجنة والنار مخلوقتان. Et puis vous avez pour, vous avez pas la même édition que moi peut-être. Là, lui là-bas oui, mais normalement vous devriez avoir ça entre ma'koufatayn, entre deux parenthèses, vous devez avoir waqad khuliqata. Quand vous regardez en bas, vous voyez finusra. C'est-à-dire dans une des versions de Usul Sunnah de l'imam Ahmed, eh bien c'est ça qui est dans cette version-là. Il faut savoir qu'elle était rapportée avec différentes chaînes de transmission et il aurait convenu non seulement qu'on avait fait la biographie de l'imam Ahmed, j'ai pas oublié, mais on l'a pas faite. Hein, parce que des fois on veut faire vite, mais je ne sais pas si on fait vraiment bien ou pas. Et une deuxième chose qu'on aurait dû faire aussi, et c'est ce que Cheikh Abdallah al-Bukhari il a fait dans son explication, c'est qu'il a rapporté, il a prouvé en fait que l'imam Ahmed, il a vraiment écrit Usul Sunnah, et que c'est vraiment de lui. Et si je me souviens bien, c'est la riwaya d'Abdus al-Attar, il l'appelle. Si je me souviens bien, c'est comme ça la riwaya hein, de l'imam Ahmed. D'accord? Regarde, retournez au site de Cheikh Abdallah al-Bukhari, le premier audio, il en parle, si vous voulez, d'accord? Donc c'est juste pour vous dire qu'il y a différentes nusakhs. Donc ici, وَقَدْ خُلِقَتَا كَمَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ قَصْرًا وَهَذِهِ مِنْ بَشَائِرِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه رَأَى قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ وَعِنْدَهُ إِمْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ. Vous allez voir petit à petit pourquoi on va parler de Hur al-Ayn. فَقَالَ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ قَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ أَنَا عَرَبِي لِمَنْ هَذَا قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ أَنَا مِنْ قُرَيْشٍ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ قَالَ لَهُ هَذَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَهُ فَذَكَرَ غِيرَةَ عُمَرَ فَاسْتَحْيَا وَانْصَرَفَ فَقَسَ ذَلِكَ عَلَى عُمَرَ فَبَكَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ أَوْ عَلَيْكَ أَغَارُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Et c'est un hadith qui est un hadith muttafaqun alayh. Il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim et Tirmidhi et Cheikh Al-Albani rahimahullah. Il a jugé authentique. Cheikh Rabi, il dit, il rapporte la parole de l'imam Ahmed et le paradis et l'enfer sont tous deux créés. Ils ont tous deux déjà été créés dans une des versions du livre de fondement de la Sunna de l'imam Ahmed. Hein? Et puis, on continue la parole, il dit, de Cheikh Rabi, il dit, comme cela a été rapporté du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit, je suis entré au paradis et j'ai vu un palais. Cheikh Rabi, qu'est-ce qu'il dit par rapport à cela? Ceci fait partie des bonnes nouvelles annoncées au sujet de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, wa arda. Que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a vu un palais d'or, min dhahab. Et se trouvant auprès du palais, une femme qui faisait ses ablutions. Il lui dit, à qui est ce palais? Il dit qu'un homme, à un homme parmi les Arabes. Il dit, je suis Arabe, à qui est le palais? Il dit, à un homme de Quraysh. Il dit, je suis de Quraysh, à qui est ce palais? Il lui dit, ce palais est pour Omar ibn al-Khattab. Il voulut y entrer, alayhi salatu wassalam, mais se rappela de la jalousie d'Omar. Attention, jalousie, si le mot c'est rira, hein? C'est-à-dire que hein, le rira que tu éprouves, c'est-à-dire que hein, même en jalousie, en français, jalousie, la différence, on ne parle pas de l'hasad ici, évidemment, hein, on parle de rira. Et donc, fut gêné de le faire, alayhi salatu wassalam est parti. Il raconta cela à Omar qui pleura alors et il dit, justement, regardez la parole de Omar, hein, il dit, serais-je jaloux envers toi, au messager d'Allah? Il rapportait selon toutes ses chaînes, par Al-Bukhari, numéro 3242, et Muslim, numéro 2394 et 2395, et Tirmidhi également, dans As-Sunan, numéro 3689, et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a jugé le hadith comme étant authentique. Le témoin argumentatif est que, وَالشَّهِدَ أَنَّ الْجَنَّةَ مَوْجُودَةً وَفِيهَا قَصْرٌ لِعُمَرَى رَأَهُ بِعَيْنِهِ وَعِنْدَهُ حَوْرَى تَتَوَضَّأ. Alors c'est quoi Hawra? Le témoin argumentatif, c'est que le paradis est présent et qu'il s'y trouve un palais pour Omar, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu de ses yeux, et qu'il s'y trouve une Hawra qui y fait ses ablutions. Alors maintenant, c'est quoi le Hawra? Eh bien, le Hawra, son pluriel, c'est Hur. Jam' Hur. Et le Hawra, c'est le mar'atu, al-shabbatu, al-hasna'u, al-bayda'u, شديد سواد العين. Voir Hadith al-Arwah, il a Biladi al-Afrah, d'Ibn al-Qayyim rahimahullah, page 53, chapitre 53, page 166. Al-Hawra, c'est quoi? C'est le singulier de Hur. Vous connaissez sûrement ce terme, Hur al-Ain. Hein? Eh bien, Hawra, c'est le singulier de Hur. Et Al-Hawra, c'est la femme jeune, belle, blanche, ayant des yeux très noirs. Alors maintenant, petite nasiha de ma part, hein, là on sort un peu au sunna, je dis, oh toi mon frère, si tu désires Hur al-Ain, alors écoute cela. Écoute bien cette nasiha. Je la tire d'où? De Nouniya d'Ibn al-Qayyim rahimahullah. Écoutez les vers de poésie d'Ibn al-Qayyim rahimahullah, qu'est-ce qu'il dit à celui qui désire Hur al-Ain? Et comment il l'incite à travailler pour obtenir Hur al-Ain? فاخطب من الرحمن خودا ثم قدم مهرها ما دمت ذا إمكاني فاخطب من الرحمن خودا ثم قدم مهرها ما دمت ذا إمكاني. C'est pour ça qu'on appelle Nounia, parce que ça termine toujours par un Noun. ما دمت ذا إمكاني Noun. قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى شارحا هذا البيت بدأ يتكلم عن حور العين فنساء الجنة من الحور العين وليهن الرحمن يزوجهن من عباده الصالحين وهو قريب مجيب والمهر هو العمل الصالح. L'éminent savant Ibn al-Qayyim rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son magnifique poème An-Nouniya, demande en mariage une jeune femme aux belles formes, ô tout miséricordieux. Puis acquitte-toi de sa dot tant que c'est encore possible pour toi. Cheikh Al-Fawzan dit son explication de ce poème, volume 2, page 314, il dit, il commence, Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, à parler de Hur al-Ain. Les femmes du paradis sont des Hur al-Ain. Et leur wali est Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala, qui les marie à ses serviteurs vertueux, et il est certes bien proche, et il répond toujours aux appels, et la dot, Al-Mahr, c'est l'action vertueuse. ذاك النكاح عليك أيسر إن يكن لك نسبة للعلم والإيمان. Écoutez ces vers de poésie encore. ذاك النكاح عليك أيسر إن يكن لك نسبة للعلم والإيمان. والله لم تخرج إلى الدنيا للذة يعيشها أو للحطام الفاني. C'est toujours Ibn al-Qayyim qui parle maintenant. Il te fait une nasiha. Ce mariage-là est pour toi plus facile si tu as une affiliation à la science et à la foi. Par Allah, tu n'es pas sorti dans ce bas monde pour la saveur de cette vie ou la vanité de ce bas monde éphémère. Cheikh Al-Fawzan y dit en explication de ce vers de poésie-là, sur volume 2, page 314, « La budda an tulaqi min al-at'abi wa min al-mashaqqati fi hadhihi ad-dunya li'annaka lam tukhlaq lid-dunya bal lil-akhirah fala tarkan lid-dunya. » Il est obligatoire que tu rencontres des difficultés et endures des fatigues dans ce bas monde, car tu n'as pas été créé pour ce bas monde, mais tu as été créé pour l'au-delà, ne te confie donc pas à ce bas monde. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il continue dans Nouni en disant, فَاسْمَعْ صِفَاتِ عَرَائِسِ الْجَنَّاتِ ثُمَّ اخْتَرْ لِنَفْسِكَ يَا أَخَ الْعِرْفَانِ حُورٌ حِسَانٌ قَدْ كَمُلْنَا خَلَائِقًا وَمَحَاسِنًا مِنْ أَجْمَلِ النِّسْوَانِ. Écoute donc les caractéristiques des jeunes mariés du paradis, puis choisis pour toi, ô mon frère, de connaissance. Des hours belles dont la forme et parfaite, ainsi que la parure parmi les plus belles femmes. Cheikh Al-Fawzan, il dit, volume 2, page 314, « لما أنه حثك على أن تخطب من الرحمن من نساء الجنة بتقديم العمل الصالح أراد أن يصف لك نساء الجنة حتى تتشوق إليهن. » Après t'avoir incité à demander à Allah des femmes du paradis en mariage, en accomplissant des bonnes œuvres, il a voulu ensuite te décrire les femmes du paradis afin que tu les désires ardemment. حسن نساء الجن والحور العين لا يدور في خيال أحد ولا يدركه عقل أحد فهن جمعن بين حسن الخلق والجمال بكل أنواعه وحسن الخلق فجمعن بين الحسنيين. Cheikh Al-Fawzan, il dit, حفظه الله تعالى, la beauté des femmes du paradis et des حور العين, personne ne peut se l'imaginer et aucune raison ne peut l'appréhender. Elles ont regroupé la beauté de la forme et la beauté sous toutes ses formes, et la beauté du comportement, elles ont donc regroupé les deux beautés. Il y a un livre qui est écrit par un talib du Yémen, qui est expliqué par Cheikh Mohammed al-Wassabi, où il explique, en fait, il rapporte tous des versets du Coran d'abord, puis tous des hadiths sur la description des femmes du paradis. J'ai tweeté hier, pour ceux qui ont vu hier soir ou hier la nuit, j'ai tweeté les références. Il y a beaucoup de livres qui parlent de Hur al-Ayn. On revient maintenant au Sul Sunnah de l'imam Ahmed. Il y a beaucoup de hadiths qui sont magnifiques sur le Hur al-Ayn. Quand la Hur al-Ayn, quand elle entend que la femme de quelqu'un lui parle mal, elle dit « Qatalakillah »« Qatalakillah » des hadiths magnifiques sur Hur al-Ayn. Et sur les femmes du paradis, etc. Alors, il y a une question qui était posée à Cheikh Ben Baz. Qu'en est-il pour des femmes? J'ai aussi tweeté hier une référence, une fatwa de Cheikh Ben Baz qui expliquait qu'est-ce qui est réservé aux femmes, etc. Et Cheikh Mohsen Abbad, dans Sharh Sunan Tirmidhi, il a, dans le chapitre sur la description du paradis, il a dit que la femme au paradis, Inch'Allah, elle sera avec, si elle était mariée fit dunya, avec le dernier de ses époux. Et si elle n'a pas été mariée, eh bien, elle sera mariée avec quelqu'un de, D'accord? Vous comprenez ça ou pas? Donc, c'est-à-dire que la femme, qui a été mariée dans dunya, eh bien, elle est avec son dernier. Inch'Allah, c'est l'abbé, il dit par exemple, maintenant, si un exemple, si elle a eu deux époux, eh bien, c'est avec le dernier qu'elle a eu. D'accord? Continuons sur le sunnah parce qu'on a beaucoup de travail aujourd'hui, inshallah. وكذلك رأيت الكوثر في حديث صحيح أنه رأى الكوثر ورأى حوضه وعلى منبره قال إني أراه الآن وتضافرت الأدلة على وجود الجنة. Et pourquoi j'ai rapporté ça, c'est pour un bab al-targhib. Comme on dit, quelqu'un qui fait da'wa, il doit baser sa da'wa sur al-targhib wa al-targhib. Il doit y avoir un targhib, c'est-à-dire que quand tu dis quelque chose, tu dois rapporter ce qui incite les gens à appliquer cette chose. Et c'est quelque chose qui est interdite, dont les gens doivent s'en éloigner, eh bien, il convient de citer ce qui les effraie afin qu'ils se tiennent à l'écart de cela. D'accord? Mais je conseille, et je l'ai déjà dit beaucoup de fois, il y a beaucoup de chapitres dans Nounia sur la description du paradis, des gens du paradis, des hommes du paradis, des femmes du paradis, etc. En détail, d'accord. Et c'est expliqué en deux volumes par Cheikh Al-Fawzan et en deux volumes par Cheikh Khalil Harras. Vous connaissez Cheikh Khalil Harras? C'est un grand savant égyptien, rahimahullah ta'ala, qui a écrit un livre. Il a écrit d'ailleurs, si je me souviens bien, c'est sa thèse de doctorat, parce qu'on lui a demandé de réfuter Ibn Taymiyyah, Al-Azhar. Il a lu le livre d'Ibn Taymiyyah, il est devenu salafi. Et il a écrit sa thèse, il a dit Ibn Taymiyyah al-Salafi. Et Cheikh Ben Baz, c'est parce que c'est un grand savant. Il a insisté pour qu'il vienne enseigner à l'université de Médine et il était directeur des hautes facultés de l'Aqidah à l'université de Médine, rahimahullah ta'ala. Cheikh Khalil al-Harras. Il a dit une des meilleures explications de l'Wasitiya. Il est très fort dans la réfutation de l'Asha'ira et de l'Al-Kalam parce qu'il était, il les connaît bien. Et Cheikh donc Khalil Harraz, rahimahullah, il a une explication de Nounia en deux volumes pour les frères qui venaient chez moi à la Mektaba à l'époque quand j'avais une librairie. Hein, ils l'ont sûrement parce que je la vendais. Hein, hein, dis-là, tu l'as. De même, j'ai vu le Kawthar, ce prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, il y a dans un hadith authentique qu'il a vu alayhi sallallahu alayhi wa sallam le Kawthar et qu'il a vu son bassin al-Hawd. Alors qu'il était sur son minbar, il dit, je le vois maintenant. Puis Cheikh il dit, Rabbi hafidahullah ta'ala, les preuves sont nombreuses sur l'existence du paradis. قال الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى سورة النجم 13-15 وهذا من الأدلة التي ترد ما يقوله المعتزلة الضلال الذين يقولون إن الجنة والنار غير مخلوقتين وإن وجودهما من الآن عبث قبحهم الله وقبح عقولهم. الله le trio a dit selon la traduction du sens est: il l'a pourtant vu lors d'une autre descente près de la Sidratul Muntaha. Ce qu'on traduit dans la traduction du Coran, vous trouvez que c'est le lotus de la limite. Sidratul Muntaha. Près d'elle se trouve le jardin de Ma'wa. Surat Najm, verset 13 à 15. Et cela fait partie, cher Rabbi, dit des preuves qui réfutent ce que disent les Mu'tazila égarés qui disent que le paradis et l'enfer, tous deux, ne sont pas créés et que leur existence maintenant est inutile. Wa'alaadu billah. Qu'Allah les en les dise, cher il dit, et en les dise leur raison. Qu'Allah ta'ala, u'iddat lil muttaqin. Ils disent que le jannah n'a pas été créé. Et regardez la parole d'Allah Azza wa Jal. U'iddat lil muttaqin. A'addaha Allah, hayya'aha lil muttaqin. Fahiyya muhayya'atun mu'addah, wal adilatu kathira. La traduction de la parole d'Allah dit « un jardin préparé pour les pieux ». Surat Ali Imran, verset 133. Allah l'a préparé pour les pieux. Elle est donc, le paradis est donc prêt et préparé et les preuves sont nombreuses. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « قال عليه الصلاة والسلام واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا اطلعت في النار فوجدت أكثر أهلها النساء واطلعت على الجنة فوجدت أكثر أهلها الفقراء » Le hadith رواه مسلم كتاب الرقاق. باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء. وقال الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. سورة غافر. فالأدلة على وجود الجنة والنار وأن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان كثيرة جدا منها ما ذكر الإمام رحمه الله ومن الآيات التي قلناها لكم. Allah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et j'ai regardé en enfer et j'ai vu ceci. C'est la petite, hein, qui a fait. Yarhamukillah. Et j'ai vu ceci et cela. Et j'ai regardé en enfer et j'ai vu que la majorité de ces gens étaient des femmes et j'ai regardé au paradis et j'ai vu que la majorité de ces gens étaient des pauvres. Je répète ce passage-là parce que je l'ai lu un peu vite. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et j'ai regardé en enfer et j'ai vu ceci et cela. J'ai regardé en enfer et j'ai vu que la majorité de ces gens étaient des femmes et j'ai regardé au paradis et j'ai vu que la majorité de ces gens étaient les pauvres. Rapporté par Muslim, numéro 2737. Allah le trio dit, c'est dans la traduction du sens est, le feu auquel ils sont exposés matin et soir et le jour où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les gens des pharaons au plus dur du châtiment. Surat Ghafir, verset 46. Donc, Cheikh, il dit, les preuves sur l'existence du paradis de l'enfer et qu'ils sont tous deux existants et créés sont très nombreuses. Parmi elles, celles que l'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde, a citées et les versets que nous avons dit. Et puis, il cite la parole de l'imam Ahmed, فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُمَا لَمْ تُخْلَقَا فَهُوَ مُكَذِّبٌ بِالْقُرْآنِ وَأَحَدِثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَحْسِبُهُ يُؤْمِنُ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ. Cheikh Rabi' il dit, وَقَدْ يَكُونُ فِي هَؤُلَاءَ الضُّلَّالِ الْمُنْحَرِفِينَ مُتَأَوِّلُونَ لَا نُكَفِّرُهُمْ وَقَدْ يَكُونُ فِيهِمْ الزِّنْدِيقَ الَّذِي يُكَذِّبُ فِعْلًا فَيَكُونُ زِنْدِيقًا مُكَذِّبًا. L'imam Ahmed rahimahullah il dit, celui donc qui prétend qu'ils n'ont pas été créés a démenti le Coran et les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et je ne le considère pas comme étant croyant au paradis et à l'enfer. Cheikh Rabi' il dit, il se peut que parmi ces égarés déviants, il y en ait qui aient un ta'wil. Hein, et vous voyez encore une fois, الورع التقوى دي علماء en ce qui concerne le takfir. Et que le ta'wil, ça peut être un mani'. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut empêcher de faire le takfir. Donc il s'occupe parmi eux qu'il y a des gens qui ont un ta'wil. Cheikh dit, nous ne les jugeons pas mécréants, et il se peut que parmi eux, il y ait le zindir qui lui dément réellement. Hein? Alors lui, c'est réellement un zindir. Nouveau chapitre, dernier chapitre de Usul Sunna de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. As-salatu ala man mata min ahli al-qiblati wa law kana mudhniba. ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا أو كان أو كبيرا أمره إلى الله تعالى. Et c'est-à-dire et fait partie des fondements des gens de la Sunna, et celui qui meurt parmi les gens de la Qibla en étant sur l'unicité, en étant mouahid, et on avait vu que Cheikh Obed il avait dit dans son explication qu'on avait parlé d'Ahl Qibla dans un des chapitres précédents, que l'imam Ahmed lui-même, il a fait la restriction plus tard, en expliquant Ahl Qibla comme étant qui? Parmi le Mouahidin. D'accord? Parmi le Mouahidin. Parce que celui qui meurt sur le shirk, le grand shirk, c'est pas un Mouahid. D'accord? Et est-ce qu'on peut le considérer par Ahl Qibla? Non. Et vous voyez la restriction, elle est là maintenant. Vous avez entendu ce qu'il a dit l'imam Ahmed? وَمَنْ مَتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَ مُوَحِّدًا. Donc Cheikh Obed, il avait raison dans ce qu'il avait dit. Donc je répète la parole de l'imam Ahmed. Et celui qui meurt parmi les gens de la Qibla en étant sur l'unicité Mouahid, on prie sur lui et on demande pardon pour lui. يُسْتَغْفَرُ لَهُ, c'est-à-dire qu'on fait l'istighfar, et يَطَلَبُ الْمَغْفِرَهُ. Et la demande de pardon pour lui n'est pas délaissée, et la prière sur lui n'est pas délaissée. En raison d'un péché qu'il a commis, que cela soit un petit péché ou un grand péché, son affaire revient à Allah, le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala. Explication du Cheikh Rabi' de ce passage-là. فَعُصَاتُ الْمُسْلِمِينَ إِذَا مَاتُوا نُصَلِّ عَلَيْهِمْ الْعُصَاتُ حَتَّى لَوْ كَانُوا مُمْتَدِعَةً تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ لَكِنْ لِلْإِمَامِ أَنْ لَا يُصَلِّي عَلَى هَذَا الْعَاصِي كَمَا أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَى الْغَالِ. On va voir ce qu'est le ghal, inshaAllah. رجل غل فمات ولم يصلي عليه وقال صلوا على صاحبكم والحديث رواه الترمذي وابن ماجه وضعفه شيخ الألباني رحمه الله في رجل مات وعليه دين فقال صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة أنا أتحمل دينه فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري ونهينا عن الصلاة على الكفار فلا يصلى على الكافر ولا على المنافق ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. Si je me souviens bien la suite du verset, c'est إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. والصلاة على الكافر والمنافق لا تجوز والعاصي المبتدع ما دام في دائرة الإسلام ولم نجد فيها مكفرا قامت عليه بالحجة فإننا نصلي عليه لكن للإمام للعالم أن لا يصلي عليه عقوبة له وليرتدع الناس عن معصيته إن كان عاصيا وعن بدعته إن كان مبتدعا لكن لا نمنع الناس أن يصلوا عليه بل نقول لهم صلوا عليه. Explication donc ce chapitre de Cheikh Rabi حفظه الله تعالى. Les désobéissants parmi les musulmans, lorsqu'ils meurent, nous prions sur eux. Les désobéissants, et ce même s'ils sont des innovateurs, il est permis de prier sur eux, mais il est autorisé à l'imam, au gouverneur ou à l'imam de ne pas prier sur ce désobéissant. Comme le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a délaissé la prière sur celui qui, quelqu'un qui était ghal. Alors, ghal, min ghalla, yaghullu ghululan. والغلول قال ابن الأثير في النهاية رحمه الله هو الخيانة في المغنم والسرقة في الغنيمة قبل القسمة يقال غل في المغنم يغل غلولا فهو غال. ابن الأثير كان لي فاس ميزيريكورد j'ai rapporté très souvent ce livre là, c'est النهاية في غريب الحديث de ابن الأثير, le savant il s'appelle ابن الأثير, il a écrit un livre où il explique les mots hein, qui peuvent être difficiles à comprendre par les gens dans les hadiths. Et c'est un genre de dictionnaire. Et dans les mots dans les hadiths, il explique ce qu'ils veulent dire. Il était publié en un grand volume. Je vous conseille vivement de l'acheter parce qu'il est très utile. Et je l'utilise très souvent dans mes cours. Et les mashayikhs aussi. Il dit page 676 aux éditions d'Ar Ibn al-Jawzi au sujet d'El Rouloul. C'est la trahison dans le butin et le vol du butin avant le partage. Al-ghanima. Un homme ayant commis donc al-ghuloul, donc mouru, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne priait pas sur lui. Et dit, priez sur votre compagnon. Ce hadith, il a été rapporté par At-Tirmidhi dans Sunan 2710 et Ibn Majah 2848, et il est jugé faible par Cheikh Al-Albani, qu'Allah leur fasse miséricorde à tous. Et aussi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam délaissa la prière sur quelqu'un qui était endetté. Qu'Allah azzawajal nous facilite à tous et à tous ceux qui ont des dettes de rembourser nos dettes avant qu'il soit trop tard. Et il dit, priez sur votre compagnon. Abu Qatada radiallahu anhu arda, il dit alors, je prends sa dette en charge. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prie alors sur lui, et c'est un hadith rapporté par le Bukhari, numéro 2289. Et Cheikh dit, il nous a été interdit de prier sur les mécréants, et donc on ne prie pas sur le mécréant ni sur l'hypocrite. Allah le Très-Haut dit, selon la traduction du sens est, et ne fais jamais la salat sur l'un d'entre eux qui meurt, et ne te tiens pas debout auprès de sa tombe. Surat Tawbah, verset 84, c'est une partie du verset. Et la prière sur le mécréant et sur l'hypocrite est interdite. Le désobéissant innovateur, tant qu'il est encore musulman et que nous lui trouvons pas quelque chose qui le fasse sortir de l'islam, écoutez ce que le cheikh va dire ici. Tant que nous ne lui trouvons pas quelque chose qui le fasse sortir de l'islam et que la preuve n'est pas été dressée contre lui à ce sujet-là. Alors, nous prions sur lui, mais il appartient au gouverneur et aux savants de ne pas prier sur lui en guise de punition et afin que les gens craignent le péché qu'il a commis et son innovation religieuse, si c'est un innovateur. Mais nous n'empêchons pas les gens de prier sur lui, mais de plus, nous leur disons prier sur lui. Conclusion du livre, Al-Khatima de Cheikh Rabi'. انتهينا والحمد لله رب العالمين وبهذا المرور السريع نرجو أن نكون قد استفدنا وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله والإخلاص له والجد في تحصيل العلم وتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح وأنا أنصحكم بحفظ هذا الكتاب العظيم الصغير الحجم الكبير القدر أوصيكم بحفظه وتفهمه ومنه تنطلقون إلى ما هو أوسع منه من كتب العقائد التي دونها أسلافنا رحمهم الله تبارك وتعالى لعلمهم بمكانة العقيدة ومكانة هذه الأصول العظيمة وقد تقدم عن أحمد أنه من أخل بأصل من هذه الأصول فهو ليس من أهل السنة فيمكن أن تجعلوا مثل هذه الأصول مقياسا للفارق بين السن الصحيح وبين المبتدع ولو حسب نفسه وأدخل نفسه في أهل السنة فإن بهذه الأصول يغربل يفرق بين أهل السنة والجماعة وتعرفون أن من أصولهم الولاء والبراء ومن أصولهم بغض أهل البدع والتحذير منهم وحكى عدد عظيم من أئمة الإسلام هذا الأصل وقرروه فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه وهديه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى الالتزام بهذه الأصول التي أورد هذا الإمام في هذه الرسالة الصغيرة الحجم الكبيرة القدر وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى وثبتنا على السنة والهدى إن ربنا لسميع الدعاء ونستودعهم الله دينكم وأمانتكم الكور اللي pas fini parce qu'on a encore les questions réponses après inshallah. Clôture du livre, conclusion du livre de Cheikh Rabi'a Hafidhahullah Ta'ala. Nous avons donc fini, et toutes les louanges reviennent à Allah, le Seigneur des mondes. Et avec donc ce passage rapide, nous espérons que nous avons tiré des bénéfices que nous avons appris, que nous ayons appris. Et je vous recommande, ou je vous commande ainsi qu'à moi-même, de craindre Allah et d'être sincère envers lui, et d'être sérieux dans la demande de la science, et de vous accrocher au livre d'Allah, et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et à la voix des pieux prédécesseurs. Et moi, je vous recommande de mémoriser cet illustre ouvrage, petit en format, mais grand dans son statut. Je vous recommande de le mémoriser et de le comprendre. Et à partir de ce livre, vous irez vers des livres sur la croyance qui sont plus larges, qui sont plus grands, qui ont été compilés par nos pieux prédécesseurs. Qu'Allah, le Très-Haut, leur fasse à tous miséricorde en raison de leur connaissance du statut de la croyance et de ses fondements importants. Et nous avons vu qu'Ahmed, rahimahullah, a dit que celui qui transgresse l'un de ses fondements ne fait pas partie des gens de la sunna. Vous pouvez donc considérer ce genre de fondement comme la mesure qui vous permet de distinguer le vrai sunnite de l'innovateur. Et ce même s'il se considère et se fait entrer parmi les gens de la sunna. Et combien de gens, ils transgressent les fondements de la sunna du consensus Et lui, il te dit, non, moi, je suis un salafi, moi, je suis un sunni. Hein? Moi, je suis la voix des salafs. Je suis la voix du... Il essaie de se faire entrer. Non. C'est ça le fariq, c'est ça la mesure, c'est ça la balance. Hein? Où que tu sois, qui que tu sois, même si tu pries sommet, j'ai de salafi. Même si tu l'as pour les cinq prières. Même si tu l'as au doros, etc. Hein? Le fariq, c'est ça, l'osoul. Est-ce que tu es sur l'osoul salafia ou tu n'es pas sur l'osoul salafia? Et Cheikh, il dit, car avec ces fondements, on filtre et on distingue entre les gens de la sunna du consensus, et vous savez que fait partie de leur fondement l'alliance et le désaveu. Et on avait déjà rapporté l'importance de ce fondement-là. On aime et on déteste en Allah Azza wa Jal, l'hubbu fillah wa l'burdu fillah. Comme dans le rapporté dans le Bukhari, min awthaqi ura al-iman, l'hubbu fillah wa l'burdu fillah. Hein? C'est pas un jeu, c'est un din ça. Et parmi leurs fondements, détester les gens des innovations religieuses et mettre en garde contre eux. Et un nombre immense d'imams ont rapporté ce fondement et l'ont affirmé. Hein? Et pas quand on fait la siha à certains de parler à Green Lane à côté ici, hein, qui sont des gens de l'innovation religieuse, le Hizbiyoun, la mosquée qui est pas très loin d'ici. Hein? Ils disent non, akhi, moi je ne rentre pas dans ces considérations personnelles là, etc. Moi j'ai juste de prier, etc. Subhanallah al-Adim. Lui, leur imam là, Abu Samad Dahabi, qui critique Abu Bakr Siddiq, c'est une chose personnelle ça. Hein? Où est ton wala al-bara? Hein? Où est le hub fillah ou le bourdou fillah? Et qui critique Cheikh Rabi' et qui juge la, hein, le gouvernement d'Arabie Saoudite comme étant des mécréants, etc. Hein? C'est pas grave, c'est malgré tout des salafis. Quoi qu'ils disent, c'est des salafis en fait. Ils doivent être salafis, coûte que coûte. Subhanallah al-Adim. Hein? Si toi tu les défends et que tu connais leur dalal et que tu leur défends, on te range avec eux. C'est ça notre manhaj. Wala karama. Et aucun égard pour toi. Hein? Et Cheikh il dit, nous demandons donc à Allah qu'il nous raffermisse ainsi qu'à vous sur sa religion et sa voie et la sunna de son messager, et que nous tenions à alayhi salatu wassalam, et que nous nous tenions à ses fondements que l'imam Ahmed a rapporté dans cette épître, petit en termes de format, mais grand en termes de statut, qu'Allah nous facilite ainsi qu'à vous ce qu'il aime et ce dont il est satisfait, et qu'il nous affermisse sur la sunna et la guider. Notre Seigneur répond certes à toutes les supplications, subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on va rapporter les questions-réponses du Dars, Asalat Dars. Je crois que vous les avez ou pas? Non, c'est vrai. Il y a 8 questions, Inch'Allah. As-su'al al-awwal, hal man yaruddu tafsira ibn Abbas fi qawli ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. ويقول الآية على إطلاقها ولا يجوز تخصيصها والحاكم بغير ما أنزل الله كافر مطلقا هل يعتبر هذا الرجل من الخوارج؟ Première question posée à son éminence Cheikh Rabi' Ben Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala. Est-ce que celui qui rejette l'exégèse, l'explication d'Ibn Abbas radiallahu anhuma de la parole d'Allah dont la traduction du sens est et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Surat al-Ma'ida verset 44. Et qui disent que le verset est absolu. C'est-à-dire que toute personne qui ne juge pas que la loi d'Allah, c'est quoi? Un mécréant. Hein? Contrairement à ce qu'il a dit Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Et qu'il n'est pas permis de le restreindre, comme il a fait Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Et que le gouverneur qui ne juge pas après, qui ne juge pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, est toujours un mécréant. C'est ce qu'eux, ils disent. C'est-à-dire qu'il est mécréant de manière absolue. Il refuse donc le tafsir d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Est-ce que cet homme est considéré comme faisant partie des khawarij? La réponse du Cheikh. Et je vais rapporter quelqu'un, un des douades de Belgique qui m'a dit ça. Personnellement, à moi. Je vais rapporter son nom après, Inch'Allah. الجواب لا شك أن هذا مسلك الخوارج فالذي يخالف أئمة التفسير وعلى رأسه ابن عباس ويخالف أئمة الحديث والسنة وأئمة العقيدة والمنهج السلفي في مثل هذه الأحكام الخطيرة وهذه الأصول العظيمة فلا شك أنه قد اختار طريقا غير طريقة أهل السنة والجماعة ومنهجا غير منهج أهل السنة والجماعة وغير منهج الراسخين في العلم. شيخ il commence sa réponse qui est assez longue d'ailleurs en disant il n'y a aucun doute que cela est la voie des khawarij. Celui donc qui s'oppose aux imams de l'exégèse et à leur tête Ibn Abbas, radiallahu anhuma, et s'oppose aux imams du hadith et de la sunna et aux imams de la croyance et du manhaj salafi, de la voie salafia, dans ce genre de jugement dangereux et dans ses fondements importants, et je vous l'avais déjà dit dans un des dars, que les ulama ont considéré ce tafsir d'Abdullah ibn Abbas non seulement comme étant authentique selon les conditions d'Al-Bukhari au muslim, comme l'a prouvé Cheikh Al-Albani rahimahullah, mais aussi comme faisant partie des fondements des gens de la sunna du consensus. Et donc, et dans ces fondements importants, nous n'avons aucun doute qu'il a choisi une voie autre que la voie des gens de la Sunna du consensus. Et une méthodologie autre que la méthodologie des gens de la Sunna du consensus. Et autre que la méthodologie des enracinés dans la science. Hein? Cheikh il dit, فَيَجِبُ عَلَى هَؤُلَىٰ أَنْ يَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ فَابْنُ عَبَّاسٍ تُرْجُمَانِ الْقُرْآنِ وَحَبْرُ هَدِي الْأُمَّةِ وسلم له كبار الصحابة وسلم له بإمامته وجلالته وفقه في دين الله عز وجل وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وصار على نهجه أئمة الإسلام المعتبرين وخالفه الخوارج في تفسير هذه الآية وغيرها. شيخ الدي il est donc obligatoire à cela qu'il se repente à Allah le Très-Haut. Ibn Abbas رضي الله عنهما est l'exégète du Coran, ترجمة القرآن, le havr de cette communauté. D'ailleurs, Cheikh Al-Thaymin, il dit par rapport à ça, rahimallah, que Habr, c'est la même lettre que Bahar. Comme si c'était un ancien dans la science. Et il dit que c'est le Habr de cette communauté. Et d'ailleurs, il fait partie, comme Cheikh Al-Ethiopie l'a dit dans Sharh Sunan Nasa'i, le premier volume, parmi les Mukthirin, parmi les Sahaba. C'est-à-dire ceux qui rapportaient plus de 1000 hadiths parmi les Sahaba. Alors, tête Abu Huraira qui a rapporté 5374 hadiths. Hein? Et parmi eux aussi, Aïcha radiallahu anha. Et parmi eux aussi, Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma. Donc on a dit, Ibn Abbas est l'exégète du Coran et le habr de cette communauté. Et les grands compagnons l'ont reconnu. Ils lui ont reconnu son imama et son éminence. Et son savoir et sa compréhension de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah pour lui qui lui donne le savoir, la compréhension de la religion. Hein, quand il lui a dit Allahumma allimhu, Allahumma faqihu fi din wa allimhu ilm al-ta'wil. Ta'wil ici dans le sens tafsir, hein, pas dans le sens falsification. Ta'wil c'est un des noms du tafsir. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait du'a pour Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui fasse connaître sa religion, qu'il soit un savant dans la religion et qu'il soit, hein, et qu'il lui apprenne la science, hein, l'explication du Coran. Et les imams de l'islam ont considéré comme tels, ont suivi sa voie. Et ils l'ont opposé les khawarij au sujet de l'exégèse de ce verset et d'autres. Donc, j'ai arrivé dans certaines discussions, quand on parle des tekfiris, etc., à un moment, quand il est bloqué par rapport au sanad qu'on prouve qu'il est, hein, qu'il est authentique, etc., à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il critique comme l'Ibn Abbas. Mais, à la fin du compte, c'est qui? Subhanallah, c'est qui? Hein? C'est que son avis, etc., etc. Subhanallah, l'adim. Donc, toi, ton avis, il est au-dessus de l'avis d'Abraham ibn Abbas. Hein? À qui pour lequel le prophète Azim, il a fait une invocation. Hein? C'est ça le hawa. Et Cheikh, il dit, وَلَيْسَ بِغَارِبٍ أَهْلِ الْبِدَعِي أن يخالفوا الصحابة بل أن يخالفوا الكتاب والسنة. نعم وأنا أذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج بأنهم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام. رواه البخاري ومسلم. عرفتم؟ vous connaissez sûrement une autre version qui est حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. Je traduis déjà ça parce qu'on va faire un point dans la langue arabe ici, inshallah. Et Cheikh il dit, cela n'est pas étonnant de la part des gens de l'innovation religieuse qu'ils s'opposent aux compagnons. Mais de plus qu'ils s'opposent au Coran et à la Sunna. Oui, je me rappelle que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a décrit les khawarij comme étant « Ahdathul asnan sufaha'ul ahlam ». Qala al-Sheikh Mohamed al-Amin ibn Abdillah al-Urmi al-Ulwi al-Harari fi al-Kawkab al-Wahhaj wa al-Rawd al-Bahhaj fi sharhi sahih muslim al-Hajjaj, volume 12, page 274. Ahdath al-asnan, jam'u sin, ay sigar al-asnan. Sufah al-ahlam, jam'u hilm, wa huwa al-aql, ay di'af al-aql. Ahdath al-asnan, je l'ai tiré d'une des explications par Cheikh al-Harari, qui est un des Cheikh éthiopiens, qui a été publié en 26 volumes de Sahih Muslim. Il a dit Ahdath al-asnan, asnan, c'est le pluriel de sin. Dents, d'accord? C'est-à-dire qu'ils ont de petites dents. Soufahal ahlam, ahlam, c'est le pluriel de hilm, c'est-à-dire raison. C'est-à-dire qu'ils sont faibles de raison. Qawluhu ahdath al-asnan, al-ahdath jam'u hadath bifathatayn. Wal-hadathu huwa saghir al-sin. Wa hakada fi akthar riwayat. Wa fi babi alamati al-nubuwati fi al-islam min sahih al-Bukhari hudatha'u al-asnan. بالضم الحاء وفتح الدال جمع حديث نظير كرماء وكريم وكبراء وكبير سو كل بلغ دو كبير كبراء سو كل بلغ دو كريم كرماء دونك سو كل بلغ دو حديث حدثاء والحديث الجديد من كل شيء وشيء ويطلق على الصغير بهذا الاعتبار قال في النهاية encore une fois ce livre qui revient حداثة السن كناية عن الشباب sa parole أحداث الأسنان أحداث c'est le pluriel de حدث avec deux fatha حدث et le حدث c'est celui qui est petit en âge et c'est ainsi dans la plupart des versions du hadith et dans le chapitre sur les signes de la prophétie en islam de Sahih al-Bukhari c'est pas أحداث الأسنان c'est حدثاء الأسنان avec une dhamma sur le ha et une fatha sur le dal qui est le pluriel de hadith vous suivez ou pas les frères parce que je vois des yeux qui commencent à partir à droite à gauche c'est quoi أحداث C'est le pluriel de hadath. Et hein, c'est juste ce que je dis ou pas? Et hudatha, c'est le pluriel de hadith. Il dit, chers ici, comme kurama ou est le pluriel de karim. Et comme kubara ou est le pluriel de kabir. Donc hudatha ou est le pluriel de hadith. Et al-hadith, c'est ce qui est nouveau de toute chose. Nouveau, hadith, nouveau. Il est aussi utilisé pour le petit eu égard à cette considération. D'ailleurs, vous disiez, non, l'ilm al-hadith, dans la nouvelle science, l'ilm al-hadith. Ibn al-Athir, rahimahullah, il a dit dans al-Nihaya, la nouveauté de la dent est une image pour exprimer la jeunesse. Fin de citation. Je reviens au hadith, il est rapporté par le Bukhari, numéro 3611, et Muslim, numéro 1066. C'est donc un hadith qu'on appelle quoi ? Muttafaqun alayh. Puis Cheikh Rabi' il dit, « Araftum, walladina yufassirun hadith tafsirat l'an, sufahaw l'ahlam, hudatha'u l'asnan. » Et le Rasul, alayhi salatu wassalam, il dit, « Halaku ummati ala yadi ughaylimata sufaha ahlam. » On va voir qu'est-ce que ça veut dire « ughaylimata ». Ce hadith l'a rapporté dans le Bukhari. Cheikh, il demande, il dit, vous comprenez? Et ceux qui expliquent donc maintenant ce genre d'explication sont des jeunes en âge, faibles de raison. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit, la perte de ma communauté a lieu à cause de Ughaylima, faible de raison. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ughaylima? Ibn al-Athir, encore une fois, dans Nihaya, page 677, il dit, wa yuridu bil Ughaylima, الصبيان ولذلك صغرهم عليكم السلام ابن الاثير il a dit dans An-Nihaya في غريب الحديث page 677 il veut dire par ughaylima les enfants الصبيان c'est pour cela que le diminutif a été utilisé ughaylima ce qu'on appelle quoi en arabe hein un diminutif comment on appelle hein tasghir suivez les frères ou pas hein donnez-moi des signes de vie de temps en temps hein d'accord Ibn al-Athir, rahimahullah, il a dit dans An-Nihaya, page 77, comme j'ai dit, que c'est un tasghir. Certains savants ont dit, écoutez bien cette faïda. Ughaylima tasghir tahqir. Imma tasghiran li asnanihim, fahum sibyan, ou tasghir li uqulihim ou ahlamihim, fahum sufaha wa inkanu kibar sin. Ughaylima, soit un diminutif pour exprimer le mépris, soit un diminutif car ils sont jeunes ou un diminutif de leur raison et leur réflexion car ils sont sots soufaha et ce même s'ils sont âgés en âge hein? Le hadith là il est rapporté par le Bukhari numéro 7058 Cheikh il continue en disant الآن يقولون الشباب الشباب الصحوة أهلك الأمة أدخلوها في دوامة في متاهة في العقائد في الأحكام في الدماء في الأموال هلك الأمة دينا ودنيا فأنا أرى أن هذا الحديث بعضهم يحمله على بني أمية ولكن أرى أنه يلتقي مع حديث وصف الخوارج بأنهم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام شيخ il dit aujourd'hui ils disent les jeunes الصحوة الصحوة يعني الغفاي Ils ont perdu la communauté, ils l'ont fait entrer dans un tourbillon, dans un dédale, dans les croyances, dans les jugements, dans ce qui concerne le sang, anidima, et les biens, l'amwal. Ils ont perdu la communauté dans la religion et les affaires de ce bas monde. Je vois que ce hadith, certains d'entre eux l'appliquent sur Banu Umayya. Qu'on a rapporté qui critiquait Banu Umayya en dars précédent? Hein? Naam. Et regardez ce que... Mais Cheikh dit, mais moi je vois qu'il est conforme au hadith de la description des Khawarij, comme étant jeune en âge et faible de raison. Cheikh il dit, فَلَوْ تَنَاوَلَ شَبَابًا مِنْ قُرَيْشٍ لا يفلت منه غيرهم فإن الحديث كما قلت لكم يلتقي مع حديث وصف الخوارج بأنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام عقولهم سخيفة ومن سخفهم أنهم لا يعبؤون بتفسير الصحابة ولا بفقه الصحابة ولا بفقه علماء الأمة ولا بأئمة أهل السنة شقوا لهم طريقا بل نقول صاروا مسار أولئك الخوارج الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام قالوا الغويلم والغوليم يطلق على ناقص العقل والدين هؤلاء هذه صفاتهم بصراحة. Regardez, vous comprenez hein, un peu plus avec ce genre de cours-là pourquoi il y a beaucoup de gens qui détestent Cheikh Rabi' parmi les gens de l'innovation religieuse. Hein? Cheikh il dit, si l'englobe des jeunes de Quraysh, d'autres n'en échapperont pas. Car le hadith, comme je vous l'ai dit, est conforme avec le hadith de la description des Khawarij, comme étant jeunes en âge et sots ou faibles de raison. Ils sont sots et fait partie de leur imbécilité qu'ils se désintéressent de l'exégèse des compagnons et de la compréhension des compagnons et de la compréhension des savants de la communauté et des imams des gens de la sunna. Ils se sont donné une voie, mais de plus, nous disons qu'ils ont suivi la voie de ces Khawarij que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a décrit comme étant jeunes en âge et faibles de raison. Il est dit « al-ghuaylim » et il est dit « al-ghuaylim » est utilisé pour celui qui a une raison et une pratique de la religion qui sont diminuées. Voilà leurs caractéristiques en toute honnêteté. Et puis, Cheikh, il fait une doua, il dit « Fanas'allah an yu'afi al-ummata min sharrihim, al-ulama indahum jawasis, wa umala, wa ila akhiri, wa naffaru al-nas » Vous avez ici « naffaru al-nas » non? ونفروا الناس من العلماء وربطوهم بسفهاء الأحلام أحداث الأسنان وبأئمة البدع والضلال من الخوارج والروافض. Cheikh il dit, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il préserve la communauté de leur mal. Pour eux, les savants sont des espions et des traîtres, etc. Ils ont fait fuir les gens des savants et les ont attachés aux jeunes en âge et faibles de raison, et aux imams des innovations religieuses et de l'égarement, à l'instar des Khawarij et des Rawafid. Hein? Et c'est ce qu'ils disent au jour d'aujourd'hui. Ils disent que Cheikh Rabi' Ibn Hadi al-Madkhali, c'est un quoi? C'est un espion. Hein? Donc, il travaille pour la CIA ou pour le Mossad, etc. Ils ont dit ça avant lui de Cheikh Mohammed Amal Jami, que c'est un gradé chez eux. Hein? C'est un gradé. Subhanallah. Ouais. Ah ben c'est qui? Ils n'ont pas été la visiter, à mon avis. Donc, il est dit, à l'instar, et de l'égarement, à l'instar des Khawarij des Rawafid. Deuxième question posée à Cheikh Rabi'. هل يسعنا نحن طلاب العلم السكوت عن المبتدعة ونربي الطلاب والشباب على منهج السلف دون ذكر المبتدعة بأسمائهم. Deuxième question posée à Cheikh Rabi'. حفظه الله تعالى. Nous est-il suffisant pour nous, étudiants en sciences islamiques, de nous taire sur les innovateurs et d'éduquer les étudiants et les jeunes à la méthodologie des pieux prédécesseurs sans citer les innovateurs par leur nom? Vous allez voir, c'est ce que certains ici disent sur moi, hein. Je le sais, hein, mais alhamdoulilah, ça ne me fait rien du tout. Ils disent que Mehdi parle trop. Hein. Peut-être que vous n'avez jamais entendu ça, mais moi je sais qui dit ça. Ils disent que je parle trop et que je parle beaucoup sur les gens. Alhamdoulilah, si les gens c'est al-bida' al-ahwa, alhamdoulilah. Adat tawfiq min Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, Cheikh Rabi hafidahullah ta'ala, la réponse, je traduis d'abord la question. Nous est-il suffisant pour nous, en étudiants en sciences islamiques, de nous taire sur les innovateurs et d'éduquer les étudiants et les jeunes à la méthodologie des plus prédécesseurs sans citer les innovateurs par leur nom? Écoutez la réponse de Cheikh Rabi'. Al-jawab, wallahi yudhkaruna bi awsafihim wa yudhkaruna bi asma'ihim idha da'at al-haja. Fa idha tasadda fulan liz-za'ama wa qiyadati al-ummah wash-shabab wa jarrahum ila al-batil yudhkaru bismihi. Idha da'at al-haja ila dhikri ismihi fala budda min dhikri ismihi. وبالمناسبة أحد السلفيين في مصر كان يدرس هكذا عمومات وعمومات فما يفهمون ثم بدأ يصرح بالجماعات وبالأشخاص قالوا ليش يا شيخ ما علمتنا من الأول قال أنا كنت أعطيكم كثيرا من الدروس وأقول لكم كذا وأقول لكم كذا. قال والله ما فهمنا. La réponse de Cheikh Rabi'a, par Allah, on cite leurs caractéristiques et on cite leurs noms si le besoin s'en fait sentir. Si un tel se place comme leader et guide de la communauté et des jeunes et les tire vers le faux, on cite son nom. Si la nécessité se fait sentir à citer son nom, il faut obligatoirement citer son nom. Hein? Et en cette occasion, je dis, c'est Cheikh Rabi'a qui parle, l'un des salafis en Égypte enseignait en Égypte des généralités, des umumat. Et des généralités. Et il ne comprenait pas les étudiants, puis il a commencé à citer clairement des noms de groupes et de personnes. Les étudiants, ils dirent alors quoi? Pourquoi, cher, tu nous as pas appris cela dès le début? Hein? Il répondit, le cher, je vous donnais beaucoup de cours et je vous disais telle chose, et je vous disais telle autre chose. Hein? C'est peut-être certains ce qu'ils veulent de nous. C'est qu'on cite, on met en garde de manière générale et qu'on cite pas de noms. Hein? Alhamdoulilah, on éduque les frères, on éduque, hein, les francophones à le manhaj salafi. Le manhaj salafi, c'est le manhaj mufassal, c'est le détail. Il faut détailler. Il ne faut pas rester dans des généralités. Cheikh, il dit, je vous donnais beaucoup de cours et je vous disais telle chose et je vous disais telle autre chose. Il dit, par Allah, nous n'avions pas compris, ya Cheikh. Hein? Écoutez ce que va dire Cheikh Rabi'a. Darasna kitab al-firaq wal-madahib wa hafidnahu hifza wa ma dhakaru al-firaq al-mu'asira al-tabligh wal-ikhwan wa ghayrahum ma dhakarahum al-ulama fama narahum mubtadi'a حتى اطلعنا على حالهم ودرسناهم فرأينا ضرورة ذكرهم. Cheikh dit, nous avons étudié le livre des groupes et des madahib et nous l'avons mémorisé par cœur. Cheikh dit Rabi'a. Et ils n'ont pas cité les groupes contemporains, les tablirs, les frères musulmans et d'autres. Les savants ne les avaient pas cités. Nous les voyons pas comme étant des innovateurs jusqu'à ce que nous analysions leur situation et les étudions. Nous avons alors vu la nécessité de les citer. Puis Cheikh dit, فالحمد لله يعني المشايخ الذين كانوا يتحاشون ذكرهم صاروا يسرحون بأسمائهم ولله الحمد وهذا واجب يعني إذا كان ما فيه خطر لا بأس لا داعي لذكر الأسماء إذا كان فيه خطر وهم يجرون الشباب في أوساطهم بل يأخذون بأزمتهم بل يحاربون بهم أهل السنة فيجب ذكر أسمائهم يذكر أسماءهم ولا كرامة لهم. Écoutez, on a déjà entendu cette parole, hein, peut-être pour les anciens salafis à l'époque, ils ont dit, il est le jahim ibn Uthaymin. Les Hizbiyoun, c'est ce qu'ils ont dit à l'époque, quand Cheikh Uthaymin est mort, rahimahullah, ils ont dit, il est le jahim ibn Uthaymin. Khalidan mukhaladan fiha abadan anta wa atba'uk. هذه نظرتهم إلى العلماء يعتبرونهم كفارا هؤلاء خوارج يعني في غاية الغلظة نسأل الله العافية. Cheikh il dit, hafidhahu Allah ta'ala, toutes les louanges reviennent à Allah. Les mashaykh qui évitaient de les citer se sont mis à les citer, clairement, par leur nom. Et toutes les louanges reviennent à Allah. Et cela est obligatoire, c'est-à-dire s'ils ne présentent aucun danger, alors pas de problème. Il n'y a pas de besoin de citer leur nom. Mais s'ils présentent un danger et tirent les jeunes chez eux, mais de plus qu'ils les tirent par leur reine, mais de plus ils les utilisent pour combattre les gens de la sunna, il est alors obligatoire de citer leur nom et aucune considération à leur égard. Vous voyez bien ici que Abu Khadija il est revenu de l'Hajj. Une des premières khutbah qu'il fait, il fait le khutbah sur l'ilm, il est obligé de remettre en garde sur Greenland encore, le marquez de Greenland. Avant il s'appelait Al-Hadith, ils ont retiré Al-Hadith, il s'appelle Greenland maintenant. Hein? Pourquoi? Comme l'a dit Cheikh Fala Ismail, et j'ai la preuve pour ceux qui veulent voir, je l'ai à la maison, Cheikh Fala Ismail il m'a donné de sa propre main, une brochure, où on voit en fait qu'ils sont associés avec des groupes d'Ikhwan Muslimin au Koweït pour regrouper de l'argent. Et les Ikhwan Muslimin ne vont jamais accepter qu'il s'appelle Al-Hadith. Et d'ailleurs, ils mettent des fatawas des chouyours des Ikhwan Muslimin et parmi eux, le mufti des Ikhwan Muslimin le Koweït sur l'autorisation de prendre la zakat pour construire une mosquée. Or, les ulémas sont contre cela. Ils disent que c'est pas permis. Ils disent que ça rentre pas fi sabilillah, ça. Cheikh Fala Ismail, il a dit à l'époque, on m'a demandé d'aller moi-même chez Cheikh Al-Mohsin Al-Abbad, chez Cheikh Al-Fawzan et chez Cheikh Ibn Baz pour leur poser la question là-dessus. Il a dit, j'ai été les voir tous les trois, et j'ai enregistré, et je leur ai présenté, ils ont refusé, ils sont énervés, ils ont commencé à critiquer les savants. Et regardez maintenant. Vous trouvez des fatwas, des ikhwanes muslimines, dans leurs brochures, comme quoi c'est autorisé de prendre la zakat pour construire une mosquée. Et c'est quoi sur le nom de Grillin Majid? Et c'est comme ça qu'il s'appelle maintenant, il ne s'appelle plus Al-Hadith. Eh bien, Abu Khadija, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû venir ici, remonter sur le bar et mettre en garde sur eux. Il n'y a pas longtemps, ils avaient un magicien chez eux, il y a quelques semaines, ils s'appellent Kamal Al-Mekki. C'est quelqu'un qui fait des tours de passe-passe, il fait de la magie, etc. Il a fait un cours chez eux dans leur mosquée. Subhanallah al-Adim. Yani, qu'est-ce que tu veux plus que ça? Ils font la promotion des gens de magiciens. Et ils les appellent pour da'wah, etc. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vite, quand les frères ont réfuté, etc., ils ont mis en garde, ils ont vite retiré son nom. Sans bayan, sans rien. Ils font toujours des choses comme ça, hier. Et après, Abu Samad Dahabi, le monte sur Minbar, il a menti sur vous, hier. Il faut savoir ça. C'est pas sur Abu Khadija. C'est pas un truc personnel entre Abu Khadija et Abu Samad Dahabi. Ils n'ont pas fait un business ensemble, hier. Hein? C'est din, ça. Ils ont dit que les frères de Majid Salafi, nous, on dit sur eux, tous les gens là-bas qui disent que le sihr, c'est halal. Est-ce que nous, on a dit ça? Il ment sans aucun problème. Le frère, ils l'ont prouvé de maintes et maintes manières que c'est quelqu'un qui ment. Shir Obed, il a mis en garde sur cette mosquée, sur cette jam'iyya-là. Il a dit, c'est une jam'iyya siyasiya, politique. Shir Falah Ismail, il est venu ici, quand on lui a encore posé la question, il a dit, je croyais que vous alliez m'éviter encore une fois de parler, mais maintenant que vous m'avez posé la question, je répète encore ce que j'ai dit. Il a mis en garde encore une fois. Shir Mohamed Al-Anjari, il a mis en garde encore une fois. Et Abu Samad Dahabi, Cheikh Mohamed Al-Azhari, il y a des années, il lui a dit, pourquoi tu restes avec eux? Il a dit, je reste avec eux parce que je suis champion. Il lui a dit, je te donne un salaire et tu les quittes, Cheikh Mohamed Al-Azhari, il lui a dit. Ton salaire, je te le donne. Si c'est pour l'argent, moi, je te donne ton salaire. Cheikh Mohamed Al-Azhari, mashallah, Allahumma barik fi, il est riche, Alhamdulillah, c'est quelqu'un qui, il a les moyens, etc. Il lui a dit, moi, je te garantis ton salaire. Est-ce qu'il les a quittés? Jusqu'aujourd'hui, il est en train de rapporter ses chouboîtes là-bas, etc. On va combattre les salafis, le manhaj salafi. Au nom du ménage salafi. Est-ce qu'on va faire? On va se taire encore une fois? Les gens étaient compris. Il y a alhamdulillah, les frères salafis, ils comprennent alhamdulillah. Mais il y a certaines personnes, même s'ils prient avec nous ici, ils continuent à ne pas comprendre ou à ne pas vouloir comprendre. Celui qui ne sait pas, on lui apprend ça, oulala. C'est pour ça que les ulama disent, celui qui cherche la vérité, un délit lui suffit. Et celui qui cherche autre que la vérité, il ne veut pas la vérité, 1000 délits ne lui suffisent pas. Rapporte à un salafi juste ce qu'il a dit sur Abu Bakr Siddiq, il va s'en laver les mains tout de suite. Ça, oulala. Rapporte ce qu'il dit sur Cheikh Rabia et Cheikh Obed, tu vas voir comment il va s'en laver les mains tout de suite. Ce qu'il a dit sur Hukam Saoudia, et tu vas voir comment il va s'en laver les mains tout de suite, etc. Si les frères ils veulent savoir plus en détail, Abu Ouais, rahimahullah, le da'i américain, rahimahullah, qui avait étudié à l'université de Médine à l'époque, qui lui a fait da'wa Abu Talha, rahimahullah, il a fait des cassettes coups de poing contre Abu Samad Dahabi. Il a montré ses erreurs en détail, etc. Et Abu Ouais, il était connu. C'était quelqu'un, il rapporte de lui que quand il était à Médine et qu'il arrivait à un endroit, que les Hizbines se dispersaient vite. Rahmatullah alayh. Ils se dispersaient vite pour pas que... Parce que subhanallah, il ne se taisait pas sur le haq. Abu Ouais, rahmatullah alayh, c'est un talib ilm connu parmi les grands talib ilm de l'Occident, qui ont étudié chez les mashaykh en Arabie Saoudite, etc. Rahmatullah alayh. Il est mort du cancer il y a un certain nombre d'années, rahmatullah alayh. C'est lui qui a fait le fameux cours nous avons besoin d'un ramadan. Wa in need of ramadan. Of ramadan. Je vous conseille d'écouter ce cours-là. Il était très fort dans son style, alhamdulillah. Rahmatullah alayh. Il faut faire dua pour nos frères. Et les spécifier certains par leur nom, parmi les ulama, les du'at, etc. À la koulihal, Cheikh il dit, et cela est obligatoire, c'est-à-dire s'il ne présente aucun danger, pas de problème, il n'y a pas de besoin de citer leur nom. Mais s'il présente un danger et tire les jeunes chez eux, mais de plus qu'il les tire par leur reine, mais de plus ils les utilisent pour combattre les gens de la sunna, il est alors obligatoire de citer leur nom et aucune considération à leur égard. Ils ont dit à l'époque, et c'est une parole qu'on a entendue, quand Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il est mort, rahmatullah alayh, sallallahu alayhi wa sallam, yarzuqal firdaus al-a'la, ila al-jahim, Ibn Uthaymeen. Vers l'enfer, oh Ibn Uthaymeen. Éternellement, toi et tes suiveurs. Donc ça c'est sur nous aussi, parce qu'alhamdulillah, on est fiers de se revendiquer comme les suiveurs de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah. Voilà comme il voit les savants. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, parce que vous savez qu'il enseignait le haram, et dans la maladie de sa mort, il enseignait, il avait un masque d'oxygène, il enseignait encore. Rahmatullah alayh. Il a rapporté de lui qu'il était dans le coma à l'hôpital. C'est comme s'il faisait le munakash avec un talib, etc. Il disait, t'as compris maintenant? Dans son coma, ya ikhwa. Rahmatullah alayh. Hein? Cheikh Ibn Uthaymin. L'un des trois qui font ce qu'on appelle le triangle d'or. Rahmatullah alayh. Cheikh Al-Albani, Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Ibn Baz. Et c'est vrai que ce qu'il dit, c'est Hizbiyun, Al-Bida' al-Ahwa, il est le Jahim Ibn Uthaymin. Nous, Ahl Sunnah, dit, نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يرزق شيخنا ابن عثيمين الفردوس الأعلى. الشيخ يدير شيخ ربيع, regardez sa défense. Cheikh Al-Uthaymin, c'est pas la première fois que Cheikh Rabi'a, c'est pas la première fois qu'il défend Cheikh Al-Uthaymin. Voilà comme il voit les savants, il les considère comme mécréants. Ceux-là sont des khawarij de la plus grande dureté et nous demandons qu'à Allah qu'il nous préserve. Alors maintenant, nous, les frères, qu'est-ce qu'on est censé être doux, hein? Et on va au snack manger avec ces gens-là, on va avec un tekfiri, un hizbi, hein? On va en fait des activités avec lui, ma'ali, c'est un frère, etc. Hein? Subhanallah, où est le wala al-bara? Où est le hubbu filah ou le bourde filah? Les dîn, ça c'est vraiment important. Et après, on va parler des sœurs aussi, inshallah. Quand je parle, c'est pour les frères et les sœurs. Il faut qu'on ait des quoi? Il faut qu'on soit strict sur nos règles. Quand ça touche à din, din c'est din. C'est le din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais pas ce que tu veux. Et tu le mets en application. Hein? Et les fondements de la sunna, parmi eux, al-wala ou al-bara, tu aimes et tu détestes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit les frères ou les sœurs. D'ailleurs, troisième. Fadal. Enfin, le cours est un peu long aujourd'hui, mais. Hein? Troisième question. Al-su'al thalith. Hal l'innisa tahdir nas min kutub sayyid qutub. Troisième question posée à Cheikh Rabi'a, Hafidahullah Ta'ala. Est-ce que les femmes doivent aussi mettre en garde contre les livres de Sayyid Qutb? La réponse. Elle jawab, et que les sœurs, elles ouvrent bien grand leurs oreilles. Wallahi, ida, indana nisa, indaha nisa, tuhadhirhunna, indaha talibat, tuhadhirhunna, bil ismi, kutub Sayyid Qutb, wa manhajihi, wa al-zilal, wa al-adala, wa alhamdulillah, yani l'an, tala'a i'tiraf min Muhammad Qutb. إن الكتب التي ألفها سيد قطب قبل الظلال قد حذر منها ما شاء الله بعد 30 سنة أو 40 سنة تأتي تقول حذر منها بعدما هلك فيها من الشباب تقول حذر منها ما هذا الغش الآن هذا إمام عند الشباب غشاش غش الأمة وأذن فيها بخطه أن تطبع جميعا وحارب الذين طبعوها بغير إذنه كم أكل فيها وعليك السلام ورحمة الله كم أكل فيها من الأموال والملايين على حساب عقائد الأمة وشباب الأمة. La réponse, par Allah, s'il y a des femmes auprès d'elle, elle les met en garde. S'il y a elle a des élèves, elle les met en garde. Elle les met en garde en citant le nom des livres de Sayyid Qutb. Et contre sa méthodologie. Et contre Al-Dhilal. Al-Dhilal, c'est le tafsir du Coran de Sayyid Qutb. Et Al-Adala, Al-Adala Ijtima'iyya, où il y a des ta'ndes sur le Sahaba. C'est un des livres de Sayyid Qutb. Al-Adala Ijtima'iyya. Toutes les louanges reviennent à Allah. Dernièrement, il y a une reconnaissance de Mohamed Qutb qui est apparu. C'est qui Mohamed Qutb? C'est son frère. Qu'il a mis en garde contre les livres, contre ses livres. Contre les livres qu'il a écrits avant Al-Dhilal. Cheikh il dit, masha'Allah. Hein, après 30 ou 40 ans, il vient, il dit qu'il a mis en garde contre ses livres. Après que les jeunes aient été égarés par ses livres, il dit, il a mis en garde contre eux. Quelle est cette tricherie, le Cheikh il dit? Aujourd'hui, cet homme, cette Qutb est un imam, un guide pour les jeunes. Un tricheur qui a trompé la communauté, il a autorisé de sa propre main que tous les livres de son frère soient publiés. Et il a combattu ceux qui les ont imprimés sans son autorisation. Combien a-t-il gagné d'argent avec ces livres? Des millions sur le compte des croyances de la communauté, et de la jeunesse, de la communauté. Pourquoi les compagnons, Cheikh il dit, لماذا هان الصحابة على شباب الأمة؟ يعني غيرتهم على سيد قطب أكثر من الأنبياء وأكثر من الصحابة وأكثر من أئمة الإسلام. لماذا؟ لأنهم ربطوهم بمنهج التكفير الخارجي فهانت عليهم كل بداع سيد قطب وكل ضلالاته وكل أخطاره هانت كل هذا. إذن هذه الكتب يجب أن تحارب الظلال مليء بالضلال التصوير الفني ما رأيت أجرأ من هذا الإنسان على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التصوير الفني يا إخوه أصل البلايا، وبناه على أصول في غاية الخبث وغاية الضلال وغاية الجرأة، وتجرأ على كتاب الله وجعله موسيقى وألوان موسيقى وأنواعها وسينيما وحلقاتها وموسيقاها وبلاياها وطبول. أهان القرآن والله إهانة لا يعرف لها نظير في التاريخ، يتمدح يقول إنه وصل إلى أشياء ما وصل إليها غيره. والله الجهل يعرفون هذه الأشياء التي صبها في القرآن كذبا وزورا، لكن يعرفون أن هذا ضلال وينزهون عنها كتاب الله. هو ما نزه كتاب الله عنها. الشيخ ربيع الكوتيني il dit pourquoi les compagnons leur chose est devenue facile يعني pour les jeunes de la communauté, ils ont été déniés par la communauté. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et c'est une chose que j'avais déjà soulignée. Hein, quand tu critiques cette qutub, il y a des gens qui s'énervent, ils peuvent même te frapper. Comme c'est arrivé à certains machaires pendant un dars, etc. Hein, qu'ils ont dû sortir un chir qui était aveugle, hein, et qu'ils ont dû le sortir pendant un dars. Hmm? Pourquoi? Parce qu'il a critiqué, il a critiqué les ikhwan muslimines, etc. Hmm? Et cette qutub, etc. Et que, par contre, cette qutub, il peut critiquer Sahaba, il peut même juger certains mécréants, et il peut critiquer Moussa alayhi salam, et il peut. Là, il n'y a pas de problème. C'est ça qu'il est en train de dire le chir ici. C'est-à-dire que leur jalousie en ce qui concerne cette qutub est plus grande que celle en ce qui concerne les prophètes, est plus grande que celle en ce qui concerne les compagnons, est plus grande que celle en ce qui concerne les imams de l'islam. Pourquoi? Car ils les ont attachés à l'idéologie tekfirite kharijite. Les innovations religieuses de cette qutub leur sont alors devenues faciles, et tous ces égarements et tous ces dangers, tout cela leur est facile. Donc ces livres, il est obligatoire qu'ils soient combattus. Al-dhilal, c'est le tafsir de cette qutub. Il est plein de dalal, d'égarement, Cheikh il dit. Et un autre livre qui s'appelle At-Taswir al-Fanni, la description, la représentation artistique. C'est un livre qu'il écrit sur les versets du Coran, ya ikhwa. Hein? Et Cheikh il dit, je n'ai pas vu pire en termes d'effronterie que cet individu à l'encontre du livre d'Allah et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. At-Taswir, ce livre-là, At-Taswir al-Fanni, est la base des problèmes, oh mes frères. Il a basé ce livre sur des fondements qui sont au summum du mal et de l'égarement et de l'effronterie. Il est effronté à l'encontre du livre d'Allah. Et on a fait de la musique et des couleurs musicales et ses genres et du cinéma et ses épisodes et sa musicalité, etc. Et des calamités, etc. D'ailleurs, j'avais dû aller à une réunion d'une école islamique qui est pas très loin d'ici, que certains de nos frères considèrent comme une école salafi, alors que ce n'est pas. Et le directeur, il était là, et j'ai dû le réfuter 2-3 fois devant tout le monde d'ailleurs, et ils m'ont empêché de parler à la fin de la réunion. Je ne sais pas s'il y a des frères qui étaient là ce jour-là, etc. Et il disait, parmi les paroles, il disait qu'il voulait faire de ce qu'on appelle les écoles indépendantes, comme nous on a un salafi school, mais financées par le gouvernement, ce qu'on appelle free school. Et moi, c'est mon métier, et je savais qu'il était en train de mentir aux gens. Parce que même le gouvernement à cette époque-là, il ne savait même pas encore les conditions. Il était en train de dire non, il n'y aura pas de concession au niveau de l'islam, ne vous inquiétez pas, etc. Et les gens lui posaient des questions. Et parmi les questions, c'était, et si maintenant on vous impose de faire de la musique, etc. Et il a dit, on a notre musique, on a tajoué le Coran. On a tajoué le Coran. On a notre musique, etc. Regardez, ces idées-là, de cette qutub, etc., elles ne sont pas perdues, elles sont vivantes autour de nous. Cheikh il dit, par rapport à cette qutub, il a méprisé le Coran, et par Allah, d'un mépris sans pareil dans l'histoire. Il se vante et il dit qu'il est arrivé à des choses auxquelles personne n'est arrivé avant lui. Cheikh il dit, par Allah, même les ignorants connaissent les choses qu'il a attribuées au Coran de manière mensongère et frauduleuse. Et ils savent que c'est un égarement, et ils exemptent le livre d'Allah de cela, et lui n'a pas exempté le livre d'Allah de cela. Si vous trouvez le livre d'Abd Cheikh Abdullah Douish, rahmahullah ta'ala, parce qu'il n'y a pas que Cheikh Rabi'a qui a réfuté cette qutub, je l'ai déjà dit, même si c'est un spécialiste de cette qutub. Il y a d'autres savants, à leur tête Ahmed Shaikh, rahmatullah alayh. Et aussi Abdullah Douish, il a réfuté spécialement ce livre-là, Dhilal. Tous les versets que cette qutub il a expliqué de manière fausse, où il a rapporté des égarements dans son tafsir, Abdullah Douish s'est attaché un par un à les réfuter. Je parle des explications, d'accord? Et c'est un gros volume, Ya'ikhwa. Yani, ces livres-là, Cheikh Rabi' il a raison, ils sont pleins d'égarements et pleins d'innovations religieuses et de fausses croyances, etc. C'est pour ça que Cheikh Rabi' a consacré autant de livres sur cette qutub et sur ces égarements, etc. Et c'est pour ça qu'il parle comme cela. Et Cheikh, il continue en disant, par Allah, même les ignorants connaissent les choses qu'il attribue au Coran de manière mensongère et frauduleuse, et ils savent que c'est un égarement, et ils exemptent le livre de cela, et lui n'a pas exempté le livre d'Allah de cela, et lui n'a pas exempté le livre d'Allah de cela. Puis il continue en disant, طيب التصوير الفني قبل الضلال. لماذا لم تحذروا منه؟ نقش في رسالة وأعطى وأعطي صاحبها أعلى الدرجات للشهادة. Vous avez أعطى ici, non? C'est أعطية. وأعطي صاحبها أعلى درجات الشهادة قبل عام 400,000 هجري بعد 20 سنة ينشر هذا الكتاب ينشر هذا الكتاب ويطبع وينشر وينشر وبعدها يقول عفوا ينشر هذا الكتاب ويطبع وينشر وينشر وبعدها يقول أخي حذر منه أي كذب هذا وأي مكر وأي كيد للأمة مثل هذا الكيد ويصبح عندنا إماما عظيما هذا يدل على الضياع وأنا الشباب أحدث أسنان سفه الأحلام يا أخي هذا الإنسان هذا واقعه غش الأمة ونشر وروج مثل هذه الكتب الضالة في مشارق الأرض ومغاربها بشتى اللغات وبعدما يهلك الأمة يقول حذر منها يهلك الأمة يقول حذر منها والضلال لماذا لا تعترف أنه مليء بالضلال هذه دعوتهم قائمة على الغش والتلبيس على أحداث الأسنان سفه الأحلام فعلا فيجب أن نرشد ونرتقي إلى مرتبة الرشد. Cheikh dit donc à Taswir al-Fani que le livre de cette Qutub a été écrit avant Dhilal. Donc, pourquoi ne mettez-vous donc pas en garde contre ce livre-là? Il a défendu une thèse sur ce livre. Et il a reçu le plus haut degré dans ce diplôme avant l'année 1400 de l'Hégire. Et après 20 ans, il repense ce livre. Et il le diffuse. Puis il dit quoi? Mon frère a mis en garde contre ce livre. Quel mensonge, Cheikh dit, quelle ruse. Et y a-t-il un complot envers la communauté comme ce complot? Il devient chez nous un immense imam. Pour certaines personnes, c'est Qutb, c'est l'imam de cette époque-ci. Pas Cheikh Ibn Baz, pas Cheikh Al-Albani, etc. Hein? Vous voyez que la photo de Qutb, vous avez tout compris. Hein? Rasé avec une moustache, etc., avec un costume cravate, etc. Subhanallah, c'est ça votre imam. Subhanallah, même l'imam de notre mosquée, là, la barbe, il pratique la sunna. Subhanallah, vous êtes l'imam carrément toute la umma. Ceci indique une perte et que les jeunes sont jeunes en âge et faibles de raison. Cheikh dit, mon frère, la réalité de cette personne est qu'il est une tromperie envers la communauté. Il trompe, il diffuse et repend ses livres égarés à l'est et à l'ouest en de nombreuses langues. Hein? Moi, j'ai déjà vu le tafsir de cette Qutub traduit en turc. C'est des gens qui se prétendent salafis d'ailleurs. Hein? Il est traduit en brésilien aussi. Il y a un frère brésilien ici. Hein? En brésilien aussi. Ouais, hein? Donc, en portugais. Hein? Le brésilien, c'est le portugais. Avec certaines différences. Hein? Attention, je suis un linguiste. Hein? Qu'est-ce que je voulais dire? Ça illustre bien ce qu'on disait, que quoi, il a été traduit en de nombreuses, ces livres-là ont été traduits en nombreuses langues. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se taire maintenant? Hein? Et après qu'il perd la communauté, il dit, il a mis en garde contre ces livres. Et Abdelal, pourquoi ne reconnais-tu pas qu'il est plein d'égarements? Cheikh, il dit, tel est leur prêche basée sur la tricherie et la falsification vers les jeunes. En âge est vraiment faible de raison. Cheikh, il dit, il est donc obligatoire que nous orientions et que nous arrivions au degré de guider. لأنه يربي فيها الصوفية والدجالون يربون شباب الأمة على الخنوع والتبعية العمياء والضلال فهم في أحط من دركات العبيد الأذلة لهؤلاء يقودونهم كالحيوانات ما عندهم عقول. Cheikh, il dit, car il y éduque les soufites et les imposteurs éduquent la jeunesse de la communauté à la servilité et au suivi aveugle et à l'égarement. Ils sont donc ceux-là à un degré plus bas que le degré des esclaves humiliés. Ils les tirent comme des animaux. Ils n'ont pas de raison. Maintenant, ils délirent, Cheikh dit, « الآن يهدون بتكفير سيد قطب كالمجانين يمرون على سب سيد قطب للصحاب والأنبياء ولا يغيرون ولا ينكرون وأنت تذكره بحق وتحذر منه بجد لا يقبل منك. أين عقلك؟ أين رشدك؟ إذن أنت من سفهاء الأحلام لا عقل ولا خلق. Cheikh il dit, maintenant ils délirent sur le tekfir de cette Qutub comme des fous. Et d'ailleurs, ils disent que nous on juge cette Qutub mécréant. Cheikh Al-Uthaymeen, il n'a pas dit ça. Cheikh Al-Uthaymeen, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, l'oula l'wara, la kaffarna cette qutub. Si ce n'était la crainte d'Allah, si ce n'était le wara, on aurait jugé cette qutub mécréant. En raison de nombreuses mécréances qu'il a. Mais les ulama ne l'ont pas fait. Maintenant, il délire sur le tekfir de cette qutub comme des fous et il passe par les insultes de cette qutub envers les compagnons et envers les prophètes. Ils n'interdisent rien et ne font aucun reproche. Subhanallah. Alors que tu le cites, toi, cette qutub avec vérité et tu mets en garde contre lui avec sérieux, mais lui n'accepte pas de cela de toi. Cheikh, il dit, où est ta raison? Où est ton bon sens? Donc tu fais partie des faibles de raison, sans raison ni comportement, le cheikh, il dit. Et puis le cheikh va clôturer cette réponse en disant فَيَجِبُ أَنْ نُرَبِّي أَنْ نَرْبَأَ بِأَنْفُسِنَا وَأَنْ نُنْقِدَ أَنْفُسَنَا وَنَنْصَحَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَنَا وَاللَّهِ مَا عَرَفْتُ أَخْطَرَ مِنْ كُتُبِ سَيِّدْ قُطُبْ وَأَتْبَاعِهِ في هذه الجزيرة ظهرت فتنة مسيلمة جاءت سحابة صيف وراحت لكن هذه الفتنة الخبيثة ضربت بجذورها إلى أعماق الأرض فتنة عظيمة جدا ورسخت واختير لها هذه البلاد بلاد التوحيد. شيخ الدي Il nous est donc obligatoire que nous nous éloignions de cela et que nous nous souvions nos propres personnes et que nous nous entre-conseillions, que nous faisions le conseil entre nous. Il dit, cher, moi, par Allah, je ne connais pas plus dangereux que les livres de cette qutub et de ses suiveurs. Vous comprenez pourquoi il a consacré plus de 10 livres rien que sur lui et sur ces égarements-là. Dans cette péninsule arabique, le cheikh dit, est apparue l'épreuve de Mousseilima. Vous connaissez Mousseilima, hein? Elle est venue un moment puis a disparu, tandis que cette épreuve a frappé de ses fondements les profondeurs de la terre. Une très grande épreuve, et elle s'est enracinée, et ils lui ont choisi cette terre, le pays de l'unicité. Ce pays, le cheikh il dit, « هذه البلاد شبابها القطبيون يصدرون هذه الفتنة إلى العالم ضربة للإسلام لا نظير لها أقولها ضربة للإسلام لا نظير لها أقول هذا بدون مبالغة هذه حقيقة فالله أصلح هذه البلاد على أيدي المصلحين دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مسح كل المظاهر الشر والفتن والشرك والسحر والدجل الآن شغلوا الشباب السياسة والسحر والكهانة تنتشر الآن لأن الشباب مشغول بالسياسة السياسة الكاذبة الفاجرة القائمة على الفجور كل الناس كفار والمجتمعات كفار سكدي سيد قطب لأن هؤلاء الذين يقرؤون كتب سيد قطب يكفرون المجتمعات لكن عندهم تقية ونفاق وكذب وإلا الذي يتشبع بكتب سيد قطب ويحامي عنها كيف ما يعتقد ما فيها أنا الآن أحارب الرفض سبيس يكون الرفض سي المذهب الروافض أقول لو أن إنسانا يقول أنا لست رافضيا لكنه ينشر كتب الرفض ويطبعها بشتى اللغات وينشرها في العالم ماذا تعتبرونه رافضيا أم ماذا يطبع كتب الرفض ويروج لها ويمجد أهلها ماذا تقولون فيه رافضي هكذا الذي يروج كتب سيد قطب ويخرجها ويؤمن بما فيها من عقائد فاسدة وأفكار منحرفة لا سيما إذا كان يروج لها ويدافع عنها بارك الله فيكم. Ce pays, les jeunes qui sont qutbites, les suiveurs de cette qutub, exportent cette fitna de ce pays vers le monde afin de frapper l'islam, afin de frapper l'islam, et cela sans pareil. Je dis cela sans exagérer, c'est une réalité. Allah a réformé ce pays par des réformateurs, la prêche de l'imam revivificateur Mohammed ibn Abdelhab, rahimahullah ta'ala, qui a fait disparaître toutes les formes de mal et les épreuves, et l'association à Allah, le shirk, et la sorcellerie, et le charlatanisme. Maintenant, ils occupent les jeunes avec la politique et la sorcellerie et le charlatanisme se répandent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils occupent les jeunes avec la politique alors que la sorcellerie et le charlatanisme se répandent aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeunes sont occupés avec la politique mensongère et turpide, basée sur la turpitude. Tous les gens sont des mécréants et toutes les sociétés sont des mécréants. C'est ce que dit Seyyed Qutb dans ses livres. Car ceux-là qui lisent les livres de cette qutub, jugent les sociétés, les communautés mécréantes. Mais ils utilisent la taqiyya et l'hypocrisie et le mensonge. Sinon celui qui est rassasié des livres de cette qutub et les défend, comment se pourrait-il qu'il ne croit pas en ce qu'ils contiennent? Et Cheikh, il va donner un exemple pour mieux illustrer ce qu'il dit. Je dis par exemple, moi aujourd'hui, Cheikh, et c'est vrai que Cheikh, il a écrit des livres sur les rawafid, contre les rawafid. Et d'ailleurs, une des choubhat que Grilin essaie de jeter sur nous et Cheikh Rabi', ils disent que vous dites que nous on s'assoit avec les gens d'innovation, etc. Pourquoi vous taisez sur Cheikh Rabi' qui s'assied avec les gens d'innovation, avec les gouverneurs d'Arabie Saoudite, etc. Hein? Cheikh Hassan Somali, il a fait près une vingtaine de pages rien que pour refuter cette choubha-là. Et il a dit que Cheikh Fawzan et Cheikh Louhaydan, les grands savants d'Arabie, ils ont dit que Cheikh Rabi', ce jour-là, il a défendu la religion de l'islam et il s'est acquitté de l'obligation pour nous. Et ils ont fait son éloge, il a dit, il a fait le jihad contre les gens de l'innovation religieuse ce jour-là. Parce que Cheikh Rabi', on l'a invité à Riyad pour participer à une assise où il y avait beaucoup de firaq. Et Cheikh Rabi', il a pris sa voiture, il a été là, il a passé toute la gilsa à réfuter les gens de l'innovation. Hein? Et les ulama, même certains hizbiyoun le remercient pour cela, ils ont avoué que Cheikh Rabi', c'est lui qui avait levé le drapeau et qui a défendu la sunna contre, il y avait des rawafid, il y avait des sectes que vous pouvez imaginer, etc. Et Cheikh Rabi', il a défendu, il les a réfutés. Il a même dit à certains moments, il faut arrêter cette réunion, il ne faut pas parler avec ces gens-là ils sont sur le dalal, etc. Cheikh Rabi', il ne s'était pas. Hafidahullah ta'ala. Et Cheikh Louhaydan, ils nous ont fait son éloge, ils ont dit, hein, il s'est acquitté de cette obligation pour nous, jazallah, Cheikh Rabi'. Cheikh dit, moi aujourd'hui je combats le Rafd. Et Allah, c'est vrai, Cheikh Rabi', il combat le Rafd. Je dis qu'un individu dit, je ne suis pas Rafidi, mais il répand les livres de Rafd et les imprime en de nombreuses langues. Et il les diffuse dans le monde. Comment le considérez-vous? Moi, je vous pose la question. C'est quoi pour vous? C'est un Rafidi, bien sûr. Rafidi ou pas? Il imprime les livres de Rafd, il les diffuse et les sort et croit en ce qu'ils contiennent comme croyances perverties et idéologies déviantes, surtout s'il les diffuse et les défend. Hein? C'est quoi donc, hein? Rafidi, donc celui qui diffuse et défend cette Qutb et répand les livres de cette Qutb, c'est un Qutbi. Khalas. Hein? Il peut dire ce qu'il veut, c'est un Qutbi. Alors, par rapport à ça, c'est une question à la base pour les sœurs. Et ça, ce que nous voudrions, c'est que nos sœurs, comme nos frères d'ailleurs, hein, c'est que nos sœurs, elles appliquent le manhaj salafi correctement et elles défendent le manhaj salafi. Et elles appellent au manhaj salafi et les mettent en garde sur les ambiguïtés et les mettent en garde contre les innovations religieuses et contre les gens d'innovation religieuse. Alhamdoulilah, certains de nos sœurs qui le font, mais c'est un rappel. Hein, et qu'elles ne deviennent pas laxistes. Et regardez, j'ai amené un livre pour les motiver un peu, nos sœurs. C'est un livre qui a été écrit par une sœur et préfacé par Cheikh Rabi'. C'est une sœur algérienne qui s'appelle Ayyub Nourah bint Ahsan Rawi. Et c'est un livre qui a été préfacé par Cheikh Rabi', elle l'a écrit en 2001. Il y a plus de 11 ou presque 12 ans maintenant. Et c'est un livre qui s'appelle Al-Adwa' al-Salafiyya 'ala al-Jama'at al-Ikhwaniyya. Hein? C'est un livre entier qui fait 344 pages de réfutation sur les Ikhwan Muslimin. Et qui l'a préfacé ce livre-là? Cheikh Rabi'. Il y a un autre shir qui l'a préfacé à l'époque. Il l'a lu, mais il n'a pas fait l'introduction dessus. Et c'est un shir qui est égaré et qui est considéré parmi les gens de l'innovation maintenant, c'est Faleh al-Harbi. Donc, Cheikh Rabi', elle a consacré des livres à réfuter cette personne-là. Qui fait partie de la tête des Haddadiyya à nos jours. Et donc, cette sœur-là, elle a fait un livre entier sur les Ikhwan Muslimin. Et alors, elle a consacré un passage à réfuter une autre sœur, qui est Zainab al-Ghazali. Qui est très connu chez les Ikhwan Muslimin, qui est morte il n'y a pas longtemps, hein, etc. Elle a consacré des passages, etc. Et j'allais pas vous lire un passage, mais éventuellement on peut le faire. Ouais, c'était sa fille, c'est la fille de Al-Ghazali. Elle dit par exemple, قالت زينب الغزالي في كتاب المذكور أعلاه ما نصه وفي عام 55 بعد 900,000 ميلادي رأيت نفسي مجندة لخدمة الدعوة الإسلامية بغير دعوة من أحد فقد كانت صرخات اليتامى الذين فقدوا آباهم بالتعذيب ودموع النساء اللاتي ترملن وأزواجهن خلف قضبان السجون والآباء والأمهات من الشيوخ الذين فقدوا فلذات أكبادهم كانت هذه الصرخات والدموع تنفذ إلى أعماقي وجدت نفسي وكأني من المسؤولين عن ضياع الجياع وجراح المعذبين وأخذت أقدم القليل. En résumé, C'est un long chapitre, je pouvais vous lire un petit peu, mais je crois que ça, il fait un peu tard, j'ai encore terminé les cours. À la Koulihal, donc ici, elle s'attache à étudier ce qu'elle dit à Zain ibn Razali et à réfuter point par point, etc. Notamment que, j'avais lu ça il y a des années, mais si je m'en souviens bien, notamment que Zain ibn Razali, elle avait rendez-vous avec certains moujahidis chez elle, et son mari les laissait dans le bureau, il disait, tu me réveilles pour le fajr, hein, etc. Et elle restait avec les soi-disant moujahidis pour faire des plans, pour faire le jihad en Égypte, etc. Est-ce qu'on a des attentats, etc., en fait, hein, d'accord, etc. Et d'ailleurs, cette sœur-là, elle dit, est-ce qu'une da'iya, une sœur, etc., elle se retrouve toute seule en khalwa avec des hommes à faire des plans pour, hein, etc. C'est ça que nous, on veut de nos sœurs. Peut-être pas qu'on arrive à ce niveau-là, Inch'Allah, qu'elles arrivent à ce niveau-là, Inch'Allah, d'écrire des livres préfacés par les ulama, qu'Allah leur facilite, mais qu'elles défendent le manhaj salafi, et qu'elles mettent en garde sur les gens de l'innovation religieuse, et qu'elles apprennent leur religion d'abord avant de faire cela, parce que tout ça c'est basé sur l'ilm, hein, et qu'elles s'attachent à étudier les livres de la salafia, les livres de la croyance, et qu'elles s'attachent à apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je voulais juste apporter ça pour un peu motiver nos sœurs, pour les frères qui veulent jeter un coup d'œil après, il est là le livre. Quatrième question, هل يجوز إطلاق على فلان شهيد? Est-il autorisé de dire de quelqu'un que c'est un martyr? La réponse, جواب بالجزم لا يجوز لأن هذا كما قرأنا لا يقطع لأحد بجنة ولا نار لأننا إذا قلنا شهيد قطعنا له بالجنة. فنحن لا نشهد لأحد بالجنة إلا لمن شهد له الله رسوله صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين بالجنة وكأهل بدر وأهل بيعة الرضوان ومثل المرأة التي كانت تصرع رحمك الله شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن سلام وأمثل هؤلاء ومن عداهم نرجو لهم الجنة وإن كانوا من الصالحين ونخاف عليهم في نفس الوقت ولا نقطع لهم بجنة ولا نار وإنما نرجو لهم لكن الغلاة يقولون فلان شهيد لمن؟ واحد رافضي مبتدع ضال يقولون شهيد وعلماء السنة عملاء وجواسيس والذي يموت منهم ما يقولون شهيد جميل الرحمن رحمه الله تعالى لما قتل قالوا شهيد جاهد 10 سنوات أو أكثر وأول من حمل راية الجهاد وأقام إمارة يطبق فيها الشريعة الإسلامية وقتل في سبيل الله مظلوما لا يقولون شهيد. La réponse, il n'est pas permis de l'affirmer car nous l'avons lu, comme nous l'avons lu, vous avez vu ce chapitre là, hein, dans Usul Sunna, nous n'affirmons au sujet de personne qu'il est en enfer ou au paradis, car si nous disons qu'un tel est martyr, alors nous aurons affirmé qu'il est au paradis. Nous n'attestons au sujet de personne qu'il est au paradis, sauf pour ceux au sujet desquels Allah et son messager al-Salam ont attesté, comme les 10 auxquels le paradis a été promis, ce qu'on appelle les 10 al-Mubasharun bil-Jannah, et comme les gens de Badr, Ahl Badr, et les gens de l'allégeance de Ridwan, Ahl Bi'at Ridwan, et comme la femme qui avait des crises et au sujet de laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a attesté qu'elle était au paradis, hein, et Abdullah ibn Salam et d'autres comme ceux-ci. Concernant tout autre que nous espérons pour eux le paradis s'ils sont des vertueux et nous avons peur pour eux en même temps, comme il a dit dans l'imam Ahmed dans le Sunnah. Et nous n'affirmons pas qu'ils sont en enfer ni au paradis et nous ne faisons qu'espérer pour eux. Mais les extrémistes disent un tel est martyr. D'ailleurs, moi j'ai déjà vu un titre d'un livre dans une librairie d'Ikhwan en Belgique, était marqué Hassan Banna al-Shahid. J'étais à la caisse et je lui dis, il y a un hadith dans Sahih al-Bukhari, que tu ne dis pas, la yuqalu li fulan shahid. C'est un chapitre d'un titre, la yuqalu li fulan shahid. Il a juste levé les épaules, hein, etc. Et le livre, il était toujours là. Hein. Subhanallah al-Adim. Rien que dans le titre, il y a une mukhalafat sunna. Hassan Banna, shahid. À lui, c'est un shahid. Beljazman, plus comme, alors que c'est interdit. Mais les extrémistes disent un tel est martyr. Au sujet de qui? Un rafidit innovateur égaré. Ils disent martyr. Et les savants sont pour eux des espions et des traîtres. Tandis que celui qui meurt parmi eux est un martyr. Et puis il va parler d'un shir. Est-ce que vous connaissez shir Jamil Rahman al-Afghani? Hein? C'est un shir qui a été assassiné par les ikhwan muslimin. Rahmatullah alayh. C'est lui qui portait l'étendard du jihad en Afghanistan à l'époque. Hein? Et c'est un shir salafi. Hein? Et d'ailleurs, Cheikh Mokbir, il a écrit un livre sur l'assassinat de Jamil Rahman al-Afghani. Et moi, j'ai déjà entendu son beau-fils, qui est saoudien, décrire l'assassinat de Jamil Rahman al-Afghani. J'ai lu Cheikh Mokbir comment il a décrit l'assassinat de Cheikh Jamil Rahman al-Afghani. Hein? Il était assassiné de manière, par traîtrise. C'était un homme qui avait un certain âge, qui était un homme de science. Hein? Et c'est un homme qui a levé le drapeau du jihad en Afghanistan à l'époque, etc. Hein? rahmatullah alayh, et comme il va dire le cheikh ici, qui avait instauré un émirat où la charia islamique a été établie. Hein? Etc. Et Cheikh Jamil Rahman, un jour, il était chez lui à la maison, rahmatullah alayh, et il avait une réunion, puis il est sorti, et Cheikh Jamil Rahman, il avait une consigne pour ses gardes du corps, hein, qu'il ne fouille pas les Arabes. Parce qu'il respectait beaucoup les Arabes, parce qu'ils étaient venus les aider, etc. Hein? Et c'est un Égyptien qui est rentré chez lui, si je me souviens bien, c'est un Égyptien, en tout cas, c'est sûr et certain que c'est parmi les Ikhwan Muslimin, hein, et qui lui a tiré deux balles dans la tête, à bout portant, alors que le Cheikh s'est levé pour lui faire la collade. Hmm? D'accord. Et le beau-fils, il a dit, j'ai entendu les coups de feu, les gardes du corps ont entendu les coups de feu, ils sont venus en courant. Il a dit, j'ai cru que c'était des coups de feu de joie, comme ils font dans certains pays, etc. Et puis quand j'ai vu le Cheikh rempli de sang autour de lui, etc., j'ai compris en fait qu'il s'était fait assassiner, etc. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un échange de coups de feu entre les gardes du corps et la personne, et il s'est suicidé d'ailleurs. Il s'est tiré une balle dans le ventre et il s'est suicidé. Cheikh Jamil Rahman Afghani, un Cheikh salafi, qui appelait le tawhid et combattait le shirk, qui appelait la sunna et combattait la bid'a, qui a levé le drapeau du jihad fisabilillah, hein, à l'époque de la Russie, etc. Hein, et qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont assassiné lâchement. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Lâchement. Et est-ce que les Hizbiyoun, ils disent de lui que c'est un martyr? Ils ne disent pas. Peut-être qu'ils vont considérer l'autre comme un martyr qui s'est suicidé, qui a l'assassiné lâchement. Allahu musta'an. Cheikh Jamil Ar-Rahman. Cheikh Elijir Jamil Rahman, lorsqu'il a été assassiné, ils ont dit, martyr. D'ailleurs, Cheikh Mokbil Rahimallah, j'ai tweeté une fois, il n'y a pas longtemps, une vidéo, où on ne voit pas Cheikh Mokbil, mais c'est toute une cassette, un audio en fait, de Cheikh Mokbil où il raconte cela. Ils en ont fait un livre d'ailleurs. Cheikh Jamil Rahman, lorsqu'il a été assassiné, ont-ils dit martyr? Ils n'ont pas dit qu'il était un martyr, Rahimallah. Il a fait le jihad pendant 10 ans au plus, et il est le premier à avoir levé l'étendard du jihad, et il a établi un émirat où la législation islamique était appliquée, et il a été tué sur le sentier d'Allah, injustement, et ils ne disent pas, hein, mais ils ne disent pas que quoi, que c'est un martyr. Cinquième question, encore un peu de patience, hein, je sais que ça fait presque 2 heures, mais je vous assure que j'ai déjà fait des cours un peu plus longs que ça, donc, hein, pour une fois, Birmingham, que je m'étends un peu. Parce que je ne voulais pas couper les questions pour qu'on finisse le cours aujourd'hui. D'accord? Je crois que le cours le plus long que j'ai fait, c'est 2h40. À Nice. Allah Allah. Donc vous avez encore 40 minutes là, les frères. Hein? Su'al khamis, alladhi yakhudu fil fitna. Celui qui patauge dans la fitna qui a eu lieu au temps des compagnons, quel est son jugement en islam? La réponse, la réponse, c'est un innovateur égaré, il a transgressé les fondements des gens de la sunna et du consensus. Pourquoi? On a vu qu'il ne faut pas parler de ce qui s'est passé entre les compagnons. Il ne faut pas parler de cela. Il ne faut pas critiquer les compagnons. Cheikh Ruslan, comme j'avais dit dans sa 15e vidéo de Usul Sunnah, il parle de ça en détail, il explique bien ce point-là. Donc revenez, Inch'Allah, à ça. 6e question. هل يحكم بكفر من جاهر بالمعصية لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين. Dans certaines riwayas, c'est إلا المجاهرون. Le hadith dans le Bukhari wa Muslim. C'est un hadith muttafaqun alayh. 6e question. Juge ton mécréant, celui qui rend public son péché. Le mujahir, je vais l'expliquer un peu plus loin, c'est celui qui fait son péché publiquement ou le divulgue publiquement, sans raison valable, d'accord? C'est comme ça que certains ulama l'ont expliqué dans comme Cheikh Al-Hari Al-Urwi, il l'a expliqué dans Sahih Muslim, il a expliqué le mujahir comme étant cela, celui qui fait son péché publiquement ou le divulgue publiquement sans raison valable, sans nécessité. Donc, 6e question, juge ton mécréant celui qui est mujahir dans son péché, en raison de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, toute ma communauté est pardonnée, à part ceux qui font les péchés publiquement ou les divulguent sans nécessité. C'est une traduction conforme à l'explication de Sahih Muslim, de Sheikh, que j'ai cité tout à l'heure, volume 26, dernier volume d'ailleurs, page 372. Et le hadith est rapporté par al-Bukhari, numéro 6069, et Muslim, numéro 2990. C'est donc un hadith muttafaq alayh. La réponse, la, la yuhkamu bi kufrih. Al-mujahir bil ma'asiyah fasiq. Nuharibuhu, nuhadhir minhu, nad'uhu ila tawbah. إذا مات ننفر الناس منه لكن لا نحكم بكفره الذي يشرب الخمر أو يزني أو يسرق هذا عاص إلا إذا استحل فهو كافر إذا قال الخمر حلال نقول أنت كافر انتهى إذا قال الزنا حلال نقول كفرت الحكم بغير ما أنزل الله حلال كفرت وهكذا بارك الله فيكم أما إذا كان يقول أنا مسلم نراه يصلي وهو عاص هذا لا نكفره نقول عاص ونحذر منه شيخ la réponse dit non nous ne le jugeons pas mécréant. Certains chiurs qui sont parmi les chiurs du tekfir, hein, qui tournent autour du tekfir en Égypte et ailleurs, qui essaient de rapporter ce genre de notions. Que celui qui reste beaucoup sur un péché, ou qui le fait constamment, ou celui qui hein, le rend public, ou qui le fait publiquement, etc., et bien que c'est un kafir. Eh bien non, nous ne le jugeons pas mécréant. Celui qui est un mujahir est un pervers. Nous le combattons, nous mettons en garde contre lui, nous l'appelons à se repentir, et s'il meurt, nous faisons fuir les gens de lui, mais nous ne le jugeons pas mécréant. Celui qui boit de l'alcool, fornique ou vole, celui-là est un désobéissant, sauf qu'il croit que c'est licite, c'est alors un mécréant. On avait dit que Cheikh Al-Ali Al-Haddadi, il a dit que la croyance est dans le cœur, donc nous on ne sait pas le savoir, hein, sauf s'il le dit. Et d'ailleurs écoutez ce qu'il dit, le Cheikh, il dit, s'il dit l'alcool est licite, nous lui disons tu es un mécréant, fini. Et s'il dit la fornication illicite, nous disons tu as mécru. Juger d'après autre que ce que Allah fait descendre, est licite, tu as mécru, on lui dit tu as mécru. Et ainsi de suite, qu'Allah vous bénisse. Yarhamukallah. Tandis que s'il dit, je suis musulman, nous le voyons prier, mais il est désobéissant, celui-là, nous ne le jugeons pas mécréant. Nous disons désobéissant et nous mettons en garde contre lui. Septième et avant-dernière question. Et je vous rappelle le athar rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, dans son sahih. An Yahya ibn Abi Kathir, rahimahullah, قال, إن العلم لا ينال براحة الجسد. La science n'est pas acquise avec le repos du corps. Avant dernière question, ma ra'yukum fi man yaqul al-yahud wa an-nasara laysa baynana wa baynahum adawatun diniyah. Quel est votre avis sur celui qui dit qu'entre nous et les juifs et les chrétiens, il n'y a pas d'inimitié religieuse, adawa diniyah. La réponse, al-jawab hada qad afta fihi al-ulama an hada min ad-dalal wal-kufr na'udhu billah. هؤلاء سفهاء الأحلام يا إخوة لهم غرائب وعجائب يتشددون في الموضع الذي يجب فيه الرفق ويترفقون ويذلون في المواطن التي يجب فيها الشدة فقلب الأمور ابن تيمية رحمه الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج وأمرنا بالصبر على ولاة الأمور وسمعتم الأحاديث البارحة في الصبر أدوا الذي عليكم والله سائلهم عما سرعاهم إلى آخر النصوص التي جاءت تهدي وتثبت وتثبت وتوصي بالصبر لأنها من حكيم خبير يتلقى عن الله عز وجل هذه التعالي من الله رب العالمين ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم الأمين هذه من الأمانة التي بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسالة التي بلغها فيجب أن نتلقاها باحترام وتقدير وأن نتحكم ونحتكم ونحاكم إليها. La réponse, ceci, les savants ont jugé à ce sujet que c'est un égarement et de la mécréance qu'Allah nous en préserve. Ces faibles de raison ont des choses étranges et étonnantes. Ils sont durs là où il faut être doux et ils sont doux là où il faut de la dureté. Ils ont inversé les choses. Al-Qardawi dit ça, hein, qu'entre nous les juifs et les chrétiens, il n'y a pas de adawadini, hein. C'est un problème politique. Ibn Taymiyyah dit, le messager d'Allah nous a ordonné de combattre les khawarij et nous a ordonné d'être patients envers les gouverneurs. Et vous avez entendu bien des ahadiths, hier, les ahadiths sur la patience. Hier, c'est-à-dire que dans la dora que Cheikh Rabi il a fait. Acquittez-vous de ce qui vous est obligatoire, c'est un hadith qu'on a déjà cité d'ailleurs dans le cours, et Allah les questionnera au sujet de ce qu'il leur a donné comme responsabilité de gouverner. Et d'autres textes qui calment et raffermissent et recommandent la patience car ils sont d'Al-Hakim, Al-Khabir. Il recevait, alayhi salatu wassalam, ses enseignements d'Allah, le Seigneur des mondes. Allah le Très-Haut dit, dans ce dont la traduction du sens est, et c'est le verset de Surat al-Mulk, verset 14, « Ne connaît-il pas ce qu'il a créé, alors que c'est lui le compatissant, le parfait connaisseur ?» Et son messager, digne de confiance, alayhi salatu wassalam, a transmis ce dépôt, et il a transmis cela, alayhi salatu wassalam, ce message qu'il nous a transmis, il nous est obligatoire que nous l'acceptions avec respect et vénération et que nous renvoyons nos disputes à cela et que nous jugions avec cela. Mais cela n'agrée pas de renvoyer le jugement à ces textes. Et il joue avec les ta'wilat, avec les falsifications, ou le kalam al-farigh, les paroles vides. وإذا جاءت البدع التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغضب ويحذر ويحذر منها السلف قالوا على رؤوس أهل البدع هؤلاء أئمة ومجددون والشهداء وإلى آخره فقلبوا الأمور. Lorsque les bid'a, les innovations religieuses arrivent, contre lesquelles le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم y a mis en garde, et il s'est mis en colère à leur sujet, et il a mis en garde à leur sujet, contre lesquels les plus prédécesseurs, rahimahumullah, ont mis en garde, ils ont dit au sujet des imams de l'innovation religieuse, ceux-là sont des imams, des revivificateurs et des martyrs, etc. Ils ont donc inversé les choses. غَيَّرُوا دِينَ اللَّهُ وَبَدَّلُوا فِيهِ. Ils ont changé la religion d'Allah et ils l'ont transformée. فَهُمْ أَشَدُّ تَبْدِيلًا مِنَ الْحُكَّامِ. Donc ils sont pires en termes de changement que les gouverneurs. وَيَقُولُونَ الْحُكَّامَ بَدَّلُوا. Mais ils disent, les gouverneurs ont changé. Antum baddaltum al-aqaid, vous avez changé les croyances, wal usul wal manahij, et les fondements et les méthodologies. Fasadukum a'zam min fasad al-hukam, votre corruption est pire que la corruption des gouverneurs. Wallahi inna fasadahum a'zam min fasad al-hukam, par Allah leur corruption est plus grave que la perversion et la corruption des hukam, des gouverneurs. Al-hakim la yaqulu laka hada dinullah. Le gouverneur, lui, il te dit pas, ça c'est la religion d'Allah. Lakin ha'ula yaquluna laka hada dinullah. Tandis que ceux-là te disent, ceci est la religion d'Allah. Baddalu al-usul. Ils ont transformé les fondements. Wal manahij. Et les méthodologies. Baddalu fi dinillah. Ils ont changé dans la religion d'Allah. Akbar min tabdili al-hukam. Plus que le changement des gouverneurs. Wa yaquluna al-hukam baddalu. Alors que eux disent que les gouverneurs ont changé. والحكام فيهم الكافر فيهم المسلم بارك الله فيكم. Les gouverneurs, il y a parmi eux le musulman, il y a parmi eux le mécréant, qu'Allah vous bénisse. لكن انت تجعل شغلك الشاغل الحاكم. Mais toi, ce que tu fais, c'est que tu fais que toute ton occupation est autour du gouverneur. وانت تبدل دين الله من اجل ان تحارب الحاكم. Alors que toi, tu transformes, tu changes la religion d'Allah afin de combattre le gouverneur. Om au man yaltazimu منهج السلف ولا يرضى تطبيق هذه الممارسات والتبديلات في دين الله عن الحاكم والمحكوم. Ou pour combattre celui qui s'attache à la voie des plus prédécesseurs et n'accepte pas l'application de ce genre de choses et de ce genre de transformation dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ce genre de changement dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sur الممارسات والتبديلات et d'appliquer l'application de ces transformations dans la religion d'Allah sur le gouverneur et les gouvernés. Usluk maslak as-salaf as-salih fi kulli shay. Suis la voie des plus prédécesseurs dans toutes les affaires, dans toutes les choses. Et da'arata an tasluk maslak ahli sunnah fa hada huwa al-maslak. Si tu désires suivre la voie des gens de la sunna, alors c'est cela la voie. Wallahi ghayyaru din Allah wa baddalu. Par Allah, ils ont certes changé la religion d'Allah et l'ont transformée. As-su'al al-thamin, la huitième question et la dernière. ألا ينطبق على السيد من مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا وأمره إلى الله تعالى. Huitième question posée à Cheikh Rabi', est-ce qu'on ne doit pas appliquer à cette qutub ce qu'on a dit par rapport à ce qui a été dit par rapport à l'imam Ahmed, que celui qui meurt parmi les gens de la Qibla étant mouahid, c'est-à-dire un des derniers chapitres qu'on a vu, qu'on doit prier, on prie sur lui et qu'on demande pardon pour lui et qu'on ne laisse pas la prière sur lui pour un péché qu'il ait commis, petit ou grand, et que son affaire revient à Allah. Il y a un ce chapitre-là. Est-ce qu'on n'applique pas cette qutub? La réponse du Cheikh Rabi', Wallahi alladhi yusalli alayhi ma amna'uh. Par Allah, celui qui prie sur lui, moi je ne l'empêche pas. Alladhi yatarrahamu alayhi ma amna'uh. Celui qui demande à Allah que lui fasse miséricorde, moi je ne l'empêche pas. Lakin wallahi ana ma usalli alayhi. Même par Allah, moi je ne prie pas sur lui. بعدما عرفته والله ما أصلي عليه أبدا. Par Allah, après que je l'ai connu, par Allah, je ne prierai jamais sur lui. ولا أترحم عليه, et je ne demanderai jamais miséricorde pour lui. وعامله كالروافد, je le traite comme les روافد, لأنه عنده رفض, car il a du رفض. حلول, ce qu'on a rapporté, vous rappelez de حلول, عقيدة الحلول. ووحدة الوجود. الحلول, c'est qu'ils disent qu'Allah est dans les choses. Et وحدة الوجود, c'est qu'Allah est, et les choses sont un, sont une chose. Ashia, il a des choses. وعنده أقوال وكذا, il a des paroles, etc. نتقي الله ما نقول كافر. Nous craignons Allah et nous disons pas mécréant. Voyez encore une fois, hein? Il y en a certains ici, hein, qui tournent autour de cette mosquée, qui essaient de nous faire dire un mécréant vite fait, hein, qu'on est obligé de le dire, et que si tu le dis pas, t'es un mourji. Hein? Subhanallah, dit. Mais regardez, même par rapport à tout ça, Cheikh Rabi dit non, on craint Allah, on dit pas kafir, on dit pas mécréant. وإلا والله إن في كتبه كفريات غليظة جدا. Sinon, par Allah, il y a dans ses livres des très graves et importantes mécréances. ويؤخذ على من ينشر كتبه ويدافع عنه ويضع المناهج لحمايته. Et nous reprochons à celui qui diffuse ses livres et le défend et fabrique des voies pour le défendre, des méthodologies pour le défendre. أنه يدافع عن ضلالات كبرى. Et nous le reprochons qu'il défend des égarements qui sont grands. لكن سيد قطب عاش وما تاب. Mais سيد قطب, il est mort et il ne s'est pas répandu. وما عندنا ما يثبت توبته. Nous n'avons rien qui affirme son repentir. ولو تاب يجب محاربة هذه الكتب. Et même s'il s'était repenti, il est toujours obligatoire de combattre ses livres. والتحذير منها, et de mettre en garde contre ses livres. وبيان ما فيها من الضلال, et de clarifier ce qu'ils contiennent comme égarements. الزاني عفوا استغفر الله العظيم. الرازي تاب والغزالي تاب كثير من أهل البدع تابوا الرازي il s'est repenti والغزالي il s'est repenti كثير من أهل البدع تابوا beaucoup des gens d'innovation se sont repentis Ibn Aqil تاب Ibn Aqil il s'est repenti لكن استمرت الحرب على أفكارهم ومناهجهم وكتبهم إلى يومنا هذا mais le combat la guerre est restée contre leurs idéologies et leurs voix et leurs livres jusqu'à ce jour-ci. أئمة السنة ما سكتوا عن هذا الضلال. Les imams de la sunna ne sont pas tus sur cet égarement. الذي خلفه هؤلاء في كتبهم. Que ces derniers ont laissé dans leurs livres après eux. وبقيت آثارهم في الأمة. Et leurs traces sont restées dans la communauté. وكتب سيد قطب لها آثار مدمرة في شباب الأمة. Et les livres de سيد قطب ont des conséquences, des traces qui sont destructrices des jeunes de la communauté. Il est donc obligatoire de combattre ses livres. Il est obligatoire de mettre en garde contre ses livres. Et j'ai fait quelque chose que je ne fais jamais d'habitude. J'ai traduit une page, plus ou moins et demi, sans l'avoir pré-traduite. C'est parce que je n'ai pas eu le temps de finir. J'ai écrit, je vous assure que j'ai travaillé dur, 30 pages. Je n'avais pas fini qadrallah avant d'arriver ici. Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Tout le long, je reviens à Allah. Par le bienfait duquel s'accomplissent les bonnes œuvres. Et alhamdulillah, bonne annonce faite à ceux qui ont fait le livre en entier, qui ont pu assister au livre en entier, qu'Allah les récompense en bien, que ce soit ici à la mosquée ou via Internet, d'accord ? Et que c'est un grand bien, imaginez le grand bénédiction, le grand bienfait d'Allah pour vous et sur vous, d'avoir fait un livre aussi important que celui-là. Et vous rappelez la parole de Cheikh Al-Anjari, que certains salafs, ils ont dit que si même quelqu'un voyageait jusqu'en Chine pour prendre ce livre, ce ne serait pas grand-chose. Hein? Vous n'avez pas voyagé jusqu'en Chine, vous avez juste voyagé ici à Small Heath, hein? Pour certains, peut-être d'autres quartiers qui ne sont pas très loin d'ici, hein? Peut-être 5, 10, 15 minutes, 20 minutes maximum en voiture, d'accord, pour prendre ce livre, semaine après semaine, et après 21 cours, on a déjà fini ce livre, Allah, walillah, alhamd. Et c'est donc un grand bien. Et tout le long, je reviens à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, inshallah, je ne sais pas si... Normalement, vous connaissez la règle, c'est que là-bas, c'est qu'il y a cours jusqu'à preuve du contraire. Donc, on devrait avoir cours, inshallah, samedi prochain. Je l'espère, inshallah, qu'Allah nous facilite. Et je vous tiendrai au courant pour le sujet du livre. Il se peut très fort que ce soit Nawaqid al-Islam, l'explication de Cheikh Mohamed ibn Omar Bazmoul. Il se peut aussi que ce soit les conditions de la ilaha illallah expliquées par Cheikh Obel Jabiri. Il se peut aussi que ce soit l'Irshad ila Sahih al-I'tiqad, qui est un livre, qui est un très bon livre pour les débutants dans la croyance de Cheikh Salah al-Fawzan. Et il se peut aussi que ce soit l'Arba'a, avec l'explication de soit de Cheikh al-Fawzan, Cheikh Raslan ou Cheikh Ibn Baz. La liste, elle est longue. J'ai préparé toute une série de livres, au moins devant moi, j'ai trié ceux que je voudrais peut-être faire, etc. Et après, on va voir. Mais je pense que Nawaqid al-Islam, il s'impose un peu plus que les autres, Allah alam. Peut-être Qawad al-Arba'a aussi. Il y a aussi l'Irshad ila Sahih al-I'tiqad. Et il y a un autre livre que je voudrais vraiment faire, et Abu Khadija, il a dit une parole dans la khutbah qui m'a vraiment motivé, c'est Aqid al-Sunnah Ashab al-Hadith de Sabouni, avec l'explication de Cheikh Rabia. Il y a aussi Cheikh Hassan al-Barbahari, avec l'explication de Cheikh Fawzan en deux tomes, ou de Cheikh Najmi en un tome. Il y a aussi un livre que j'ai de Cheikh Sunnah al-Muzani, Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de ce livre-là, mais c'est un des livres de l'Aqidah, comme j'ai dit, le mot aussi sunnah, le sens de l'Aqidah, qui est avec une explication de Cheikh Ahmed Behin bin Nihyan Najmi, rahimahullah, et je l'ai aussi avec l'explication de Cheikh Obeid. Il y a pas mal de titres. Inch'Allah, on va faire une présélection, puis une resélection, la sélection jusqu'à ce qu'on sorte avec le dernier. On va faire salat istikhara, Inch'Allah. Et on va demander conseil aux gens de science et à nos frères parmi les Tullab, etc. Et je vous tiendrai donc au courant via les textes, via Twitter, via tous les moyens de communication possibles. وجزاكم الله خيرا والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.